السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع كتاب العقيدة، شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام عليه رحمة الله، شرح الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله. On est toujours avec le livre de Cheikh Islam, العقيدة الواسطية. Qui a été expliqué par Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah. On est arrivé lorsque le mu'allif, lorsqu'il a dit, rahmatullah, an tu'mina billahi wa malaikatihi. Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses anges. On avait parlé de l'iman en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'était l'iman billah, le vrai iman, yani, quelles sont ses conditions, etc. Et on doit y revenir à chaque fois sur l'iman billah parce que c'est très très très important. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va passer au, il a dit, wa an tu'mina bi malaikatihi. Tu dois croire aussi en ses anges, les anges d'Allah subhanahu azza wa jal. Pour cela, ici, le mu'allif, Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, a dit, al malaikatu jam'a mal'ak. Il a dit, les anges, c'est pluriel de, en arabe, de mal'ak. Et, wa aslu mal'ak, ma'lak. Il a dit kalimat le mot hada ma'lak. En arabe, c'est le contraire, c'est ma'lak. Ensuite, ça c'est devenu comme ça à cause de daroura arabia. Qali annahu min al-uluka. Ça vient du uluka. Malaika, ça vient du uluka. Uluka, c'est, si on veut dire, c'est la messagerie. C'est risala. C'est risala, c'est ça l'uluka. Pourquoi? Parce que le malaika, en fin de compte, c'est quoi? Ce sont des messagers. Non, ce sont des messagers entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses prophètes. Non, ce sont eux qui descendent pour lui dire ce que Allah azza wa jalla a dit, etc. En ce sens, Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, «Ja'ili al-malaikati rusulan». «Ja'ili al-malaikati rusulan». Yani, celui qui a fait des anges, il a fait quoi? Il a fait des messagers. Non. Ensuite, on va parler de yani, les principaux anges que tout le monde doit connaître, que tout le monde doit connaître, parce que on connaît pas tous les anges et on connaît pas aussi yani, tous leurs noms, on connaît même pas leur nombre. Mais yani, quelques-uns sont plus connus. D'abord, il faudrait savoir que le malaïka a alam ghaibi, yani le monde des anges, c'est un monde yani, qu'on peut pas voir. Non, l'ange en général, on ne le voit pas. On le voit des fois s'il vient sous forme humaine, s'il vient sous une forme humaine. Mais s'il vient avec sa vraie forme, personne ne peut le voir, sauf si Allah Azza wa Jal permet à certains de les voir, comme il a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir Jibril deux fois dans sa vraie forme. Le premier, le plus connu, c'est Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, c'est le plus connu et le plus rapproché d'Allah subhanahu wa azzawajal. Il est spécialement, yani, son travail, ou là, c'est quoi spécialement? C'est la révélation du message. Il n'a muwakkil bil wahi. Ça, c'est son travail. Il fait descendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala aux prophètes et à ses prophètes, à tous les prophètes qui étaient aussi avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça son travail. Il fait descendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa parole. Il a fait descendre au messager. Ensuite, il y a le deuxième, qui est très connu aussi, qui s'appelle Israfil. celui-là, spécialement, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il souffle dans la trompette. Il souffle dans le clairon, ce qu'on appelle le clairon. Ça s'appelle aussi le cor avec C-O-R. Celui-là, il souffle. Pourquoi? S'il souffle, c'est pour que tous ceux qui sont, yani, dans la robe, ils vont, yani, les âmes vont revenir dans les corps. Celui-là, il souffle pour que les morts ressuscitent. Pour que les morts ressuscitent. Cheikh Ibn Uthaymin a dit aussi, il a dit, wa huwa aydan ahadu hamalat al-'arsh. Il a dit, c'est là, yani, il parle de Israfil, alayhi salam, il a dit, c'est aussi, Israfil, c'est aussi l'un de ceux qui, yani, prennent le trône. Le trône, yani, soulève. Il a dit, c'est un de ceux qui soulève le trône. Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas yani, où est exactement le dalil, mais c'est Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, qui a dit cela. Peut-être qu'il y a un hadith, il ne vient pas dans la tête maintenant, oui, ce hadith. Troisièmement, mais plus connu aussi, Mikaïl. Mikaïl. Il s'appelle dans le Coran aussi Mikaël. Mikaël et Mikaïl. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait spécialement? Celui-là, il fait, yani, il s'occupe de la pluie et des plantes. La pluie, c'est lui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, qui a l'ordre de la faire descendre et de l'emmener vers l'endroit où là la ville X, où là la ville Y, vers le pays. C'est yani, c'est ça son travail, avec l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas lui qui décide de la faire tomber, ni lui qui choisit les endroits. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, il exécute, c'est tout. Mais c'est ça son travail, la pluie et les plantes. Et si vous remarquez maintenant bien, il y a un lien commun entre les trois. Il y a un lien commun entre les trois. Naam, quel est le lien commun? C'est que les trois, yani, ils ont quelque chose de yani, un rapport, c'est quoi? Les trois, ils ont leur travail à rapport avec quoi? Avec la vie, le hayat. Naam, vous remarquez pourquoi? Djibril, Le Wahy, qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre le message. Et le message, c'est quoi? C'est la vie des cœurs. Naam, Hayat al-Quloub. S'il n'y avait pas le message, il n'y avait ni Coran, ni Sunna. Il n'y avait pas les prophètes, il n'y avait pas la parole de Dieu. Comment qu'on vivrait? On vivrait comme des animaux. Quelle est la différence entre l'animal et nous? L'animal, il n'a pas il n'a pas le Wahy. Il n'a pas la parole d'Allah, il ne la connaît pas, il n'a ni Coran, ni Sunna. Il fait ce qu'il veut, mais nous, on a un Coran et on a la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous guide, qui nous guide. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a parlé des kuffars, qui n'ont rien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ouladina kafaru, yatamata'un, wa ya'kuluna kama ta'kulu l'an'am, un-naru mithlu l'an'am. Naam, il a dit, les mécréants, Ouladina kafaru, yatamata'un, yani, ils vivent comme ça dans les passions, ils font ce qu'ils veulent, etc. Mais ils mangent comme mangent les animaux. Conclusion, et quand ils meurent, ils vont trouver la fournaise et l'enfer. Pourquoi? Parce que ceux-là, comme je viens de dire, ils n'ont pas le wahy. Ils sont loin du Coran, ils sont loin de ce que Allah Azzawajal veut d'eux, ils sont loin de ce que Allah Azzawajal leur a dit de ne pas faire. Ils le font, ils n'ont ni prophète ni rien, ils veulent vivre comme ils veulent eux. Yani, ils te disent, nous, on ne veut pas être soumis. On n'aime pas la soumission. Moi, j'aime vivre ma vie comme il me plaît. Et je l'ai déjà dit une fois, je le redis aujourd'hui. Il n'y a pas cela. C'est impossible. Toute personne doit être soumise. Toute créature que l'on a créée doit être soumise. Les animaux, ils sont soumis. Tout le monde le sait. Les animaux, ils sont soumis. Qu'ils le veuillent ou pas. Les terres, la terre, les cieux, tous ils sont soumis. Le soleil, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Les étoiles, elles viennent pas quand elles veulent, elles partent quand elles veulent. La pluie, elle vient pas quand elle veut, elle. Tous, on est soumis. Toutes les créatures qui ont été créées, ont été soumises. Maintenant, tu choisis seulement, ou bien tu te soumets à Allah, tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala et sa sharia, ou bien tu te soumets à quoi? Au shaitan et au chemin du shaitan. Il n'y a pas le milieu. Ceux qui disent on ne veut pas l'islam, etc., pour vivre libre, on leur dit tu ne vis pas libre, tu es en train de suivre le shaitan, tu es en train d'être soumis à tes passions. Tu es soumis à tes passions, à tes désirs. Voilà. Maintenant, il est préférable que tu sois soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et aux ordres de son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que tu vives ici heureux et que quand tu meurs, tu seras le plus heureux. Le plus heureux quand tu meurs. Parce que il est impossible que quelqu'un ici s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala et vive heureux. Ça, c'est impossible. Il ne faut pas que les gens vous mentent. Il ne faut pas que vous soyez, yani, faut que vous soyez assez intelligent pour savoir ceci. Il est impossible que quelqu'un vive ici loin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa sharia et il vive heureux. C'est impossible. Il vit 15 jours, il vit un mois, il vit une semaine heureux. Et la plupart du temps, il est malheureux. C'est Allah Azza wa Jal qui le châtie et qui a dit ça dans le Coran. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quiconque s'éloigne de mon dhikr, du Coran et de la sunna, etc., il aura une vie de misère. Ayat ضَنْكًا. Il aura une vie de misère. Certains ont dit, c'est aussi عَذَبْ الْقَبْرِ, ce qu'il attend aussi dans la tombe, etc. Mais le mu'min, l'Azawajal a dit du croyant, لَنُحِيِّنَّهُ حَيَةً طَيِّبًا. On lui fera vivre une vie, une belle vie, une bonne vie, etc. Donc il est impossible que quelqu'un vive bien et heureux tout en étant loin de la religion, de la vraie religion de l'islam. C'est impossible. Si vous voyez quelqu'un vivre, rire, etc., il ne rit que comme ça devant nous. Il rit seulement un quart d'heure. Mais je sais que yani, il a beaucoup, beaucoup de problèmes. Déjà, ça suffit qu'il ne sait pas où il va y aller. Ça suffit. Il ne sait pas d'où il est venu, où il va aller quand il va mourir. Toi, le fait seulement de savoir que quand tu vas mourir, il y a Inch'Allah Ta'ala un paradis qui attend. Il y a Allah Subhanahu wa Ta'ala, on doit le rencontrer. Il y a le jour du jugement dernier. Ça, déjà, tu as un but. Tu te prépares à ce but. Et lui, le pauvre, il ne sait pas pourquoi il vit. Dès que c'est pour ça qu'il veut oublier. Voilà, du matin au soir, il n'a pas quelqu'un qui lui rappelle ces choses-là. Il veut oublier. Il veut s'oublier lui-même. C'est pour ça que il est tout le temps avec l'alcool, tout le temps avec la drogue, tout le temps avec les plaisirs. Il ne veut pas penser à ces choses-là, à la mort, etc. Une petite maladie, et il commence à trembler. Là, c'est parce qu'il ne comprend pas où il va aller, il a peur de mourir, etc. Nous, on dit « Alhamdoulilah, alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ». Donc, le Jibril, alayhi salam, et Mikaïl, wa Israfil, ils ont un point commun. Les trois, yani, ont un travail qui a rapport avec la vie, avec la vie. Jibril, avec la vie des cœurs. Israfil, la vie des plantes et de la terre, l'ard. Et Mikaël, la vie de la pluie et la vie des plantes. Et Israfil, la vie des corps. La vie des corps, la vie. Pourquoi? Parce que les âmes, quand ils souffrent dans la trompette, les âmes vont revenir dans leur corps. Ensuite, il a dit, وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ وُكِلَ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ بَنِي آدَمَ. Il y a aussi des anges qui font spécialement quoi? Yani, comment on dit ça, c'est difficile. يَقْبِضْ أَرْوَاحِ بَنِي آدَمَ. Yani, ils font mourir les êtres humains. Ils font mourir les êtres humains. أَوْ يَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ ذِي رُوحٍ. Ou bien il a dit, ce n'est pas spécialement, yani, ils font mourir les êtres humains, mais ils font mourir toute chose qui a une âme. Yani, même les mouches, ça rentre à l'intérieur, les insectes, les grenouilles, les animaux, tous ils rentrent. Yani, chaque chose qui a quoi? Qui a une âme, il y a des anges qui la font mourir. Il y a des anges qui la font mourir. Il a dit, qui sont-ils? وَهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ وَأَعْوَانُهُ. Qui c'est ces anges qui nous font tuer ou la font tuer toutes les créatures? Il a dit c'est Malik al-Maut, l'ange de la mort, et c'est yani, ceux qui l'aident. Comme on appelle nous par exemple, on dit il y a le professeur X, et ensuite il y a les infirmiers avec lui. Le grand professeur Ada, c'est qui? Celui-là c'est Malik al-Maut, c'est son exemple. C'est pour ça qu'ici il dit وَلَا يُسَمَّ عَزْرَائِلِ, et on ne l'appelle pas Azraïl. Comme beaucoup de gens disent Azraïl, disent, va venir Azraïl, tu vas mourir, il va venir Azraïl, il va prendre ton âme, etc. Ou d'autres, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils parlent de Azraïl, ils parlent de Azraïl quand il est dans la tombe. Il dit, quand tu es dans la tombe, ensuite il y a Azraïl qui va te poser des questions, etc. Ce mot Azraïl, ce nom, n'existe pas dans la Sunna ni dans le Coran. On ne dit pas Azraïl, on dit Malik al-Maut. On dit Malik al-Maut. Je devais enregistrer le dars, j'ai oublié aujourd'hui d'enregistrer. Maalesh, qaddara Allah ma sha fa'al. La hawla wa la quwwata illa billah. Je disais, donc il n'y a pas un ange qui s'appelle Azrael. On l'appelle comme l'a appelé le Coran. Allah Azza wa Jalla a dit, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Il a dit malakul maut. Ensuite, il dit que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, hatta idha ja'a ahadakum al maut توفته رسلنا وهم لا يفرطون. C'est à peu près en ce sens. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, يعني les anges, ils parlent des anges, nos messagers enlèvent son âme sans négligence. غير تفرط. Ici, il a dit, nos messagers, ce sont eux qui enlèvent l'âme. Ensuite, dans un autre verset, il a dit, قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. Dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fait mourir. Et dans le troisième verset, il a dit, اللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حِنَ مَوْتِهَا. Allah Azza wa Jal vous fait mourir quand vous mourrez. Il a dit, donc, يعني, si quelqu'un va lire ces versets, il va dire, il y a des contradictions dans le Coran. Dans le premier verset, il a dit, nos anges, c'est-à-dire les messagers, c'est-à-dire les anges, vont enlever son âme. Dans le deuxième, il a dit, c'est l'ange de la mort qui va enlever son âme. Et dans le troisième, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous fait mourir. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, pour quelqu'un qui, Allah Azza wa Jalla lui a mis de la lumière dans son cœur et mort, il ne voit jamais de contradiction dans le Coran. C'est impossible. Ni dans la Sunna. C'est pour ça c'est une règle. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Allah Azza wa Jalla a dit, si ce Coran n'était pas de moi, il aurait trouvé à l'intérieur beaucoup de contradictions. Ça veut dire, et puisqu'il n'y a pas de contradictions dans le Coran, ça veut dire qu'il est de moi, il est d'Allah. Naam, si c'est quelqu'un qui va écrire un livre, aussi intelligent qu'il soit, il faut qu'il dise des choses contradictoires. Naam. Surtout un livre grand comme le Coran, hein, il faut qu'il se trompe et il dise des choses yani, contradictoires. Mais regardez dans le Coran, maintenant combien de siècles, est-ce que quelqu'un a pu dire jusqu'à aujourd'hui qu'il y a une contradiction dans le Coran? Donc c'est pour ça que je disais, il y a une règle. Si tu lis des choses dans le Coran, tu trouves une contradiction, qu'est-ce que tu dis? Au lieu de dire le Coran est contradictoire, on peut se parfaire là, ça devient kalam kofr. Qu'est-ce qu'on dit? Sauf si on est jahil, etc. Qu'est-ce qu'on dit? Dit, c'est moi l'ignorant qui n'ai pas compris, c'est tout. Dit, la contradiction se trouve dans ma tête et non pas dans le Coran. La même chose dans la Sunna. Tu lis deux hadiths, pour toi ils sont contradictoires. Ils sont pas contradictoires chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont contradictoires dans ta tête. Parce que moi, parce que toi, notre niveau est très faible, on trouve la contradiction. C'est pour ça que si on montrait ces deux hadiths à un grand alim, il va dire non mes enfants, il n'y a pas de contradiction ici. Regardez, ici ça veut dire ceci, ici ça veut dire cela. Donc la contradiction dans le Coran ou dans le hadith, ça n'a jamais existé. Ça existe dans nos têtes, c'est tout. Donc ici, est-ce qu'il y a la contradiction? Il n'y a aucune contradiction. Allah Azza wa Jalla, quand il parle, il dit qu'ils sont un groupe. Comme il a dit dans le premier verset, « حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. » Il a dit, ce sont nos messagers, qui parlent des anges, qui le font mourir. Naam. Et dans le deuxième, il a dit, « ملك الموت, un seul. » Naam, il n'y a pas de contradiction. Ils viennent en groupe, et c'est un seul qui prend l'âme. Naam, les autres, c'est comme j'ai dit, comme des infirmiers. Ils poussent l'âme afin qu'elle sorte. Ils commencent par les orteils, ils la font monter. Des fois en frappant celui qui va mourir. Des fois en le rend. Pourquoi? C'est pas tout le monde qui veut mourir, qui a passé sa vie noyée dans les péchés, passé sa vie dans le coffre, passé sa vie dans les bars, passé sa vie dans la drogue. Celui-là, il veut pas mourir facilement. Celui-là, alors, c'est ça le but de ceux qui vont venir avec l'ange de la mort. Les autres messagers, j'ai appelé moi comme des infirmiers. ceux-là, ils vont yani, frapper, frapper, frapper jusqu'à ce qu'elle sorte, elle décide de sortir. Son âme de s'enfuir, et rentrer à l'intérieur, s'ancrer dans le corps. Et eux, comme a dit l'Allah dans le Coran, وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Subhanallah, il a dit يَضْرِبُونَ, ils frappent, ils parlent des anges. يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Ils frappent leur visage et leur derrière. Ils les frappent avec des chaînes, dans un autre verset il est dit, pour qu'ils laissent cette âme sortir. Donc ils sont un groupe qui la font sortir. Là, je parle de ce groupe dans ce verset. Dans l'autre verset, il parle de un seul. Un seul, c'est Malik al-Maut, Naam. Quand il la sort, quand elle est prête à sortir, seul lui, il peut la faire sortir. Tous les autres ne peuvent pas. Ce n'est pas leur travail. C'est Malik al-Maut qui la prend, qui, comme on dit nous par exemple, met sa main dans la bouche ou de la personne, il la tire, il la fait sortir. Juste qu'il la tire, c'est les autres qui étaient avec lui qui la prennent une deuxième fois. Ils la prennent de sa main, il la laisse pas une seconde dans sa main. Ils la mettent, comme vous le savez, dans un cercueil d'enfer ou bien dans un cercueil du paradis. Donc il n'y a pas de contradiction. Quand l'Azul lui a parlé que c'était un groupe, Naam, c'est un groupe, il veut dire qu'il aidait. Quand il a parlé un seul, c'est Malik al-Maut, c'est le seul qui a le droit de la faire sortir. Et quand il a dit c'est Allah qui fait mourir, Naam, ça veut dire que c'est par ordre d'Allah. Même les anges, ce qu'ils faisaient, c'était parce que Allah Azzawajal leur a dit, je veux que cette personne meure aujourd'hui à telle heure, à telle seconde. Donc il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction ici. C'est comme, par exemple, quelqu'un est mort. On dit, c'est Allah qui l'a tué. Bien sûr, il n'y a pas d'autre. Tu dis non, c'est pas Allah, c'est l'ange de la mort qui l'a tué. Oui, maintenant tu es en train de parler de qui a fait sortir l'âme. Ensuite tu as dit non, c'est pas lui, c'est les anges qui l'ont tué. Oui, c'est les anges, ça veut dire que ce sont eux qui ont poussé l'âme à sortir. Il n'y a pas de contradiction. C'est très simple. Et quand par exemple, je donne un exemple, si je peux donner un exemple. Je dis par exemple, je ne sais pas si je trouve un exemple. Lorsque Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, en parlant de Haman, en parlant de Qarun, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Haman, ibn li sarhan. Alors que Moussa alayhi salam a dit à Qarun, il lui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus de son trône, etc. Il a dit, c'est pas vrai. Il a demandé à Haman, son qui? Son ministre. Il lui a dit, ibn li sarhan, construis-moi une tour, je veux monter pour voir ce que Moussa a dit, etc. Maintenant, il a dit Haman Bnili Sarhan. Naam, il a dit à Haman, son ministre, construis-moi une tour. Est-ce que Haman va construire la tour? Haman, c'est un ministre. Vous avez vu un ministre qui va prendre la pelle, le ciment, il va mélanger avec l'eau, il va construire la tour. Il va dire à qui? Il va dire à des maçons, des simples maçons, il va leur ordonner de construire la tour. La tour, quand elle sera construite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, ce sont les maçons qui l'ont construite. On peut dire, non, c'est Haman qui l'a construit. Parce que c'est lui qui leur a donné l'ordre. C'est lui qui les a yani, embauchés pour construire. On peut dire, non, c'est Qarun qui a construit la tour. Pourquoi? Parce que c'est lui le premier qui a dit à Haman de construire une tour. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est à peu près la même chose ici. Bon, ensuite il a dit, Naam. Il a dit Malik al-Maut. Malik al-Maut. Ida akhrajaha min al-badan takun 'inda al-mala'ika. Il a dit quand Malik al-Maut, l'ange de la mort, quand il fait sortir l'âme du corps de celui qui a agonisé il y a quelques instants, il l'a fait sortir, il a dit c'est les anges qui la prennent. In kana ar-rajulu min ahli al-jannah. Si ce mort est de ceux qui vont aller au paradis. Et de ceux qui vont aller au paradis, fayakunu ma'hum hanut min al-jannah. Donc les anges ici auront rapporté avec eux un parfum, une sorte de parfum spécialement du paradis. Naam, wa kafan min al-jannah. Et un linceul, le linceul, c'est comme le cercueil où on met le mort spécialement du paradis. Naam, il y a des linceuls là du paradis, il y a d'autres de l'enfer. il y a des parfums spécialement qu'on ramène, que les anges ramènent avec eux du paradis, le jour de la mort de la personne. Et il y a, ça ne s'appelle pas des parfums, ça s'appelle des choses comme ça, qu'on fait venir spécialement de l'enfer, et qui ont une très très mauvaise odeur. C'est pour ça que le mort, chaque mort, il doit, à la dernière, les dernières secondes, avant que l'homme ne sorte, avant que son âme ne sorte, il doit sentir une odeur. Ou bien l'odeur du parfum du paradis, ou bien de l'enfer, comme c'est dans le hadith sahih. Naam. Parce qu'il voit déjà, les anges, il voit déjà le cercueil là, s'il est cercueil du paradis, ou bien s'il est celui de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous sabbitana. Il a dit ensuite, ils prennent cette âme, et ils la mettent dans ce linceul. Ils la mettent ensuite, وَيَسْعَدُونَ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ensuite, ils montent avec cette âme, ou les anges, hein. C'est pas Malik al-Maut. Malik al-Maut, l'ange de la mort, il a fait son travail, ça y est. Il a fait sortir l'âme, maintenant c'est les autres qui l'ont prise, ils ont pris l'âme, maintenant ils l'ont mise dans le cercueil, ça dépend, le linceul Hada, ou bien du paradis, ou bien de l'enfer, d'après la personne, est-ce qu'elle était pieuse ou là, elle était mécréante. Ensuite, يَسْعَدُونَ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et ils vont monter avec cette âme chez Allah subhanahu wa ta'ala. Remarquez bien, il n'a pas dit, ils vont aller à droite ou là à gauche, ils vont descendre. Il va monter. C'est une montée. Donc, Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône. Ah, pour ceux qui ne savent pas où là, Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône. Ils vont monter les anges. Ils vont pas faire un trou et rentrer dans la terre. Parce qu'ils savent que ils doivent monter pour montrer cette âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'ils la mettent entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal dira, Uktubu, كتاب عبدي في عليين. Écrivez, yani, ce que vous devez écrire sur cette âme, parce qu'elle est bien, elle était pieuse, et quelqu'un qui faisait la salat, quelqu'un qui avait peur d'Allah, quelqu'un qui yani, avait pensé à ce jour. Naam. Le vrai musulman, c'est celui qui, en fait, le musulman est beaucoup, beaucoup plus intelligent que le mécréant. Naam. Le mécréant qui se croit, il se croit qu'il est intelligent, etc., c'est lui la plus bête. Pourquoi? Parce que le dalil que le musulman, le croyant, est plus intelligent, c'est qu'il a pensé à demain. Naam, moi je pense, je vis maintenant, et je pense à demain, et je pense beaucoup plus à demain que ce qu'à la vie de maintenant. Donc c'est ça l'intelligence. L'autre, il ne voit pas plus loin que son nez. Il veut manger, boire, profiter cette nuit, et il s'en fout ce qui va se passer demain. Quand je meurs, je m'en fous. Je vais devenir torab ou je vais aller en enfer, là, ça ne m'intéresse pas. Mais toi, regarde, toi, tu penses, dans 30, 40 ans, quand tu vas mourir, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et tu commences à te préparer dès maintenant. Voilà le vrai intelligent. C'est celui qui voit loin. C'est pas celui qui dit, laisse, descend 16, je profite aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Tu profiteras demain dans le paradis. C'est pas ici le profitage. Ici, c'est tu vis, tu es en épreuve. Tu es dans un examen, on va voir. Tu vas réussir l'examen ou tu vas le perdre. Ici, l'azur ne t'a pas créé pour que tu vives et que tu profites. Il t'a créé pour faire des épreuves. L'adhi khalaqa al-mawta wal-hayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver lequel de vous, yani, ses actions sont mieux que l'autre. C'est tout. C'est comme ça qu'a dit le Coran. On n'a pas été créé ici pour vivre la grande vie. Là, tu manges, tu bois, mais c'est surtout pour réussir à l'examen. Tu es en plein examen. Toute ta vie, c'est un grand examen. Et demain, tu vas voir le grand résultat. Demain, le grand résultat, ou bien c'est le paradis, ou bien c'est l'enfer. Naam, c'est très, très, très, très yani, grave. Ce n'est pas quelque chose de facile. Alors les gens, il y en a qui vivent 50, 60, 100 ans, et qui n'ont jamais passé cet examen. Ils s'en foutent. Ils savent même pas qu'ils sont en examen. Et ils cherchent pas à savoir. Et le vrai musulman, le vrai croyant, il est toujours peureux. Il est toujours peureux de perdre cet examen. De perdre cet examen. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, Allah Azza wa Jalla a dit, celui-là, cette personne, elle était pieuse, elle était croyante, etc. Mettez-lui, écrivez-lui son livre, fi illiyin. Illiyin, c'est le plus haut, un endroit très haut, au paradis. On va mettre là-bas, son nom, que tu es déjà place, que tu es déjà, ta place est déjà dans le paradis qui attend. Ensuite, يقول الله عز وجل وأعيده إلى الأرض et faites revenir mon serviteur, son âme, faites-la revenir en bas à la terre. Parce que مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Parce que l'Azza wa Jalla a dit que d'elle je vous ai créé, et c'est en elle la terre que je vous rends, et en elle, c'est d'elle que je vous fais sortir une autre fois. نعم. فَتَرْجِعُ الرُّوحُ إِلَى الْجَسَدِ مِنْ أَجْلِ خِبَةٍ. Donc ensuite du ciel, on fait descendre son âme une autre fois. Où est-ce qu'on va la faire descendre? Pour la faire rentrer, ou pour la faire entrer dans la tombe. Nam, pour la faire rentrer dans la tombe. Le temps que son âme était montée vers le ciel, son corps est bien sûr est en bas. Hein, il est chez la famille, en train de pleurer, ou en train de je ne sais pas de quoi faire. Mais son âme n'est pas là-bas. Son âme est montée déjà vers le ciel. Montée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand les gens vont prendre le corps inerte, ils vont faire rentrer dans la tombe, Allah Azza wa Jal dira descendez maintenant l'âme et rendez-la dans son corps là-bas. Pourquoi? Pour qu'elle passe le premier grand examen. Le premier, ou là le deuxième, enfin le premier, ça dira après être mort, le premier examen. Là-bas, il trouvera deux anges, l'un qui s'appelle le Munkar ou le Nakir, ces deux anges sont des hadiths que ils sont noirs et bleus. Hein. Si c'était seulement noir, il y a des noirs qui sont beaux. Mais quand c'est noir et bleu, c'est difficile à voir. Ceux-là, ils vont lui poser des questions. Ils diront entre autres, « Men Rabboka, c'est qui ton Dieu ?» Car certains avaient des dieux, c'était les statues. Les autres, c'est l'alcool. Les autres, c'est les femmes. Les autres, c'est l'argent. C'est qui ton Dieu, toi? C'est qui? Ensuite, tu diras, c'est quoi ta religion? Ensuite, men nabiyuk, c'est quoi ton prophète? C'est qui ton prophète que tu suivais? Cheikh Al-Albani a dit dans un hadith sahih qu'il y avait une quatrième question et qu'ils te disent aussi, hal ra'ayta rabbak, est-ce que tu as vu ton Dieu? Ton Dieu, toi que tu suivais, est-ce que tu l'as vu? Bien sûr, si quelqu'un se trompe, il a dit, je l'ai vu. Ça veut dire que, il suivait quelqu'un ici, dans cette vie. Il avait un dieu ici, qu'il suivait, je ne sais pas qui. Al-Muhim. قال, وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتِ غَيْرَ مُؤْمِنِينَ وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ شَيْخ بِنْ عُثَيْمِينَ اللَّهِ يَرْحَمُهُ a dit, et si ce mort n'était pas un croyant, فَإِنَّهُ يَنْزِلُ مَلَائِكَةٌ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنَ النَّارِ وَحَنُطٌ مِنَ النَّارِ. Donc, dans ce cas, puisque ce mort n'est pas un croyant, les anges qui vont venir spécialement pour prendre son âme viendront avec un linceul ou un cercueil de l'enfer, comme j'ai dit, et avec une sorte de parfum comme ça qui vient de l'enfer, aussi de l'enfer. Et j'avais dit que, en ce qui concerne la réponse aux trois questions, ou là aux quatre, yani qui est ton Dieu, qui est ton prophète et quelle est la religion que tu suivais, personne au grand jamais ne pourra répondre que sauf s'il était pieux ici. Jamais au grand jamais, jamais personne qui n'était pas ici pieux ne pourra répondre à cette question. Yani, s'il est mécréant par exemple, il va dire que, yani, bon, vous dites qu'il y a trois questions, à la dernière minute je vais les apprendre et je vais répéter. Il ne pourra jamais. Pourquoi? Parce que la réponse ne viendra pas de toi. Viendra de Allah subhanahu wa ta'ala, te permettra que tu répondes ou bien t'en empêchera. Comme il a dit dans le Coran, Allah yuthabbitullah alladhina amanu bil qawli thabiti fi hayati dunya fi al-akhirah. Il a dit c'est Allah azza wa jal qui vous raffermit, yani pour la réponse. C'est lui qui raffermit bil qawli thabit, avec yani la bonne parole. Donc c'est Allah azza wa jal qui t'aidera pour que tu dises Mon Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, mon prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma religion, c'est l'islam. Donc c'est une question de piété ici. Si tu étais pieuse, ou la pieuse, tu avais peur d'Allah, tu faisais les obligations tant que tu pouvais, tu t'éloignais au maximum de ce que Allah a dit haram, ce jour-là. D'ailleurs, le fait de voir les deux anges, Nakar ou Munkar, même si La réponse était en ta tête, elle va s'évaporer. Nam, tu vas l'oublier. Le fait de les voir, comment qu'ils sont faits, ces deux anges. Le fait de les voir, tu oublies tout. Tu oublies tout. Donc c'est l'azur qui va t'aider, qui va raffermir ton cœur, et tu vas répondre sans que tu saches toi ce que tu es en train de dire. La réponse va sortir toute seule de ta bouche. C'est une aide de Allah subhanahu wa ta'ala spécialement pour les croyants. Et les autres, c'est le contraire. Même si la phrase est entre sa tête, ou là en sa tête, entre ses yeux, il ne peut pas la dire. Naam, il ne va pas lui permettre de la dire. Et cette phrase, yani les réponses, comme j'ai dit, c'est plus yani la personne est croyante ici, plus elle la dit plus facilement. Plus elle est pieuse dans la vie, plus elle la dit plus facilement et plus vite. Plus elle est loin, plus yani c'est plus difficile pour elle de lui dire. Et plus elle est mécréante, jamais elle ne pourra dire ces trois phrases. Jamais elle ne pourra répondre à ces trois phrases. Remarquez seulement quand quelqu'un va mourir. Celui qui était ici dans la vie, il faisait beaucoup de dhikr par exemple. Il disait beaucoup subhanallah, alhamdoulilah, la ilaha, tout le temps par exemple. Il faisait la prière à l'heure. Son cœur était toujours en train de penser à Allah, à demain, à la rencontre d'Allah. Celui-là, quand il sait qu'il va mourir, surtout s'il est malade ou là, ses lèvres ne s'arrêteront jamais du dhikr, jamais au grand jamais. Il n'arrête pas une seconde. Tellement il a peur, tellement il est habitué. Mais celui qui n'a pas l'habitude, celui qui est alcoolique, non, je parle des musulmans, hein, je parle des musulmans. Celui qui a passé sa vie dans l'alcool, celui qui ne priait pas, pour ceux qui disent celui qui ne prie pas, il est musulman. Ou celui qui ne faisait pas la salat, ceux-là, tu les vois, peut-être vous en connaissez des gens. Tu lui dis, subhanallah, tu es malade, tu as 80 ans. Fais un peu de dhikr, dis subhanallah, dis alhamdulillah. Ça l'intéresse pas, Allah. Il ne peut pas le dire. Il dit comme ça pour te faire plaisir. La ilaha illallah, il se dit. Non, subhanallah, khalas. Il ne dit pas de bon cœur. Non, pourquoi? Parce que c'est Allah Azzawajal qui ne l'aide pas. Non, Allah Azzawajal est le juste. Non, odkuruni adkurkum. Toute ta vie, tu as passé toute ta vie à faire le dhikr, à faire kada. Il va t'aider la dernière minute, tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas passer toute ta vie à autre chose. Comme a dit Ibn al-Qayyim Ahmadullah, il a dit plusieurs gens. On leur a dit, yani, dites à la dernière minute, dites la ilaha illallah. Et on a entendu des gens, au lieu de dire la ilaha illallah à la dernière minute, il dit le prénom de la femme avec laquelle il faisait la zina. La femme qu'il fréquentait, il faisait la zina avec elle, il dit son prénom, au lieu de dire la ilaha illallah. La dernière phrase, il dit son prénom. Il a parlé Ibn al-Qayyim de quelqu'un qui suivait beaucoup la musique. La musique, la guitare, etc. Il a dit, on le suppliait pour dire, la dernière minute, il a dit tintin. Il a dit tintin, tintin, comment on fait avec la guitare? Tintin, tintin, il est mort comme ça. Non, il ne peut pas dire. Il a passé sa vie dans un autre chemin. Il faut, pour pouvoir dire le dhikr, etc., il faut être habitué à cela, habitué. Ensuite, il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, mais si quelqu'un est mécréant, il y a les anges qui vont venir, ils vont venir avec le cercueil de l'enfer, avec une sorte de parfum de l'enfer aussi. Ensuite, quand il tire son âme, il la fait sortir. J'ai dit qu'il y a dans le Coran des versets qui disent, on les frappe, les mécréants, on les frappe avec des chaînes, pour leur faire sortir leur âme. Ensuite, il a dit, ils vont la faire monter au ciel. Ils vont la faire monter au ciel. Quant aux musulmans, aux croyants, on a dit qu'il allait monter chaque ciel, on lui ouvrait, et il montait jusqu'à ce qu'il arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le mécréant, quand il arrive, et dès qu'il frappe à la porte du premier ciel, les anges qui doivent ouvrir vont dire qui? Les autres répondront, nous c'est les anges yani de la mort, avec l'âme de X. Ensuite il l'appelle avec, s'il a un surnom, on l'appelle avec son plus mauvais surnom. Yani pour qu'on fasse bien attention, celui qui a des surnoms, il doit choisir un beau surnom. Parce que sinon, si tu meurs, on peut t'appeler avec ton surnom le plus mauvais. Si on appelle quelqu'un avec son surnom le plus mauvais, ça veut dire qu'il est déjà voué à aller à l'enfer celui-là. Hein? Moi, je rentre dans les salles, je rentre dans les salles de soi-disant islam. Islam, salle d'islam. Et tu trouves des gens qui s'appellent, ou je vois quelqu'un, j'ai oublié comment il s'appelle, Abdullah, là, je ne sais pas, l'assassin. Naam. Abdullah ou la Nasruddin ou l'assassin. Comme ça. L'assassin. Je t'appelle l'assassin. Il faut que le musulman s'appelle, choisisse comme le prophète sallam choisissait les plus beaux et les meilleurs prénoms. Ensuite, les anges diront on est avec X, avec le plus mauvais surnom. Ensuite, les autres diront non, c'est impossible qu'on ouvre à quelqu'un comme celui-là. C'est impossible qu'on lui ouvre le ciel pour qu'il rentre. Alors, qu'est-ce qu'il fera? On le jettera du ciel. Naam. Du haut du ciel, on le jettera pour qu'il tombe dans le trou de Satan. On va le jeter du haut du ciel. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Et quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Naam. C'est comme s'il tombait du ciel. Naam, il va tomber du ciel, comme dans le hadith. On va le jeter du ciel. Allah, imaginez quelqu'un tombe seulement du cinquième étage, combien c'est loin en bas. Imaginez du dixième étage. Imaginez quelqu'un qui tombe du ciel. Le premier grand supplice, sur l'ayyadu billah. Et Cheikh Al-Albani a dit dans un hadith, je crois qu'il est Hassan, ou bien je crois qu'il est Sahih, l'un des deux, j'ai oublié. Il a dit, comme il y a des anges qui vont monter avec le pieu vers Allah au septième ciel, il y a des anges pour le mécréant qui vont descendre avec l'âme du mécréant vers yani, le plus profond de la terre. Ça s'appelle Sijjin, le contraire de Iliyin. Iliyin, c'est un endroit très très haut chez Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Sijjin, c'est un endroit le plus profond de la terre. Il a dit un hadith où on va descendre l'âme du kafir au plus profond de la terre, dans la prison en bas. Et il va rencontrer tous les kafirs en bas. Car un kafir n'a pas le droit de monter dans le ciel. Personne ne lui ouvrira pour qu'il rentre dans le ciel. Comme a dit Allah Azza wa Jal, إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Ceux qui ont traité nos versets de mensonges, et qui n'ont pas cru, et qui s'en écartent par orgueil aussi, ceux-là, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront pas au paradis que lorsque le chameau entrera par l'aiguille, par le trou de l'aiguille, le shahada de l'aiguille. Naam. Le kafir ne peut pas entrer au ciel ni il peut entrer au paradis jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce que le chameau rentre dans l'aiguille. Et un chameau ne peut jamais rentrer dans l'aiguille, donc un kafir ne peut jamais rentrer au paradis. Pourquoi on ne va pas lui ouvrir le ciel? Parce que chez Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas d'un marché. Le ciel là, c'est pas un marché. C'est pas un marché, tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux. Et le ciel, il y a des portes, il y a des gardiens qui veillent, ils ont des clés, ils ont des ordres, ils n'ouvrent pas n'importe qui. Ils ne laissent pas quelqu'un qui est souillé, quelqu'un qui est mécréant, il va rentrer dans le ciel. C'est impossible. Tout est ordonné, tout est yani, calculé, tout est bien précis. C'est pas quiconque qui va rentrer au ciel. C'est pour ça que ils vont les faire descendre au plus profond de la terre, dans une prison, yani au milieu de la terre. Il a dit, et il y a aussi des anges qui, qu'est-ce qu'ils font cela? Cela, ils marchent, ils errent comme ça, yani, dans les rues, etc. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le dhikr. Ils cherchent les gens qui font le dhikr. Les gens qui font le dhikr, les gens qui disent subhanallah, les gens qui lisent le Coran, etc. Il y a des anges spécialement qui vont venir les entourer avec leurs ailes, comme c'est dans le hadith dans le Bukhari. Hadith, je crois que vous connaissez, je l'ai dit plusieurs fois. Je ne veux pas le dire maintenant parce qu'il est assez long. Il va nous prendre beaucoup de temps, il est assez long. Et à la fin de ce hadith, il est dit que, yani, parce que Allah Azzawajal demandera aux anges qu'est-ce qu'ils font ceux-là, ils vont dire ils sont en train de parler du paradis, etc. Allah Azzawajal leur dira, ils ont vu le paradis? Ils diront non. Alors qu'en est-il? Allah Azzawajal dira, qu'en est-il s'ils ont vu le paradis? Alors les anges diront, Wallah, s'ils ont vu le paradis, yani, ils l'auraient demandé beaucoup plus, ils l'auraient ceci, etc. Ensuite, la même chose pour l'enfer. Que sont-ils en train de dire? Ils sont en train de te demander de les préserver de l'enfer, etc. Ont-ils vu l'enfer? Non, ils n'ont pas vu. Et comment s'ils ont vu l'enfer? Wallah, s'ils avaient vu l'enfer, yani, peut-être ils seraient fatus. Yani, ils auraient tout le temps, ils t'auraient tout le temps demandé de les préserver, etc., etc. Ensuite, l'Azza wa Jalla va dire, Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Donc, je vous fais témoin que j'ai pardonné à ceux-là. J'ai pardonné à ceux-là. Alors, un des anges dira, Ya Allah, oh Allah, il y a quelqu'un parmi ceux-là qui était assis avec eux, mais il n'était pas en train de faire le dhikr, ni de parler, ni du paradis, ni de l'enfer. Il avait une chose avec l'un de ceux-là, il est venu, yani, pour emprunter de l'argent, ou je ne sais pas quoi. Il avait, yani, une chose contre une cause. L'Azul a dit, Il a dit, à cause de ceux-là, qui faisait le dhikr, etc., celui-là aussi, je lui pardonne. Même s'il n'était pas venu, il ne s'est pas assis avec eux à cause du dhikr. Mais, puisque eux, je leur ai pardonné, je pardonne aussi à celui-là. Donc, il y a des anges, c'est ça, leur travail. Ils marchent dans les rues, ils marchent comme ça, et ils voient, dès qu'ils trouvent deux personnes en train de parler sur Allah, sur le Coran, sur la Sunna, sur l'enfer, sur Kada, ils les couvrent de leurs ailes, ensuite Allah Azzawajal le pardonne. Dès que les anges, ceux-là, ces anges, dès qu'ils couvrent deux personnes ou plus avec leurs ailes, ça veut dire qu'ils sont en train de faire le décret, etc., et Allah Azzawajal leur pardonne. Non. Et il y a aussi des anges qui écrivent, des anges qui écrivent tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Allah Azzawajal a dit, « Wa inna alaykum la hafidhin, kiraman katibin, ya'lamuna ma tfa'alun. » Alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Naam. Yani, ya'lamun ma taf'alun. Il a dit aussi, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Vous savez qu'on a tous, à droite et à gauche, deux anges qui écrivent tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. Allah Azzawajal a dit dans le Coran, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'écriture. Non, tout ce que tu dis, ils l'écrivent. Tout ce que tu dis. Il y a quelqu'un qui écrit seulement le bien, il y a quelqu'un spécialement qui écrit le mal. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, alayhi rahmatullah, wa dakhala ahadu ashabi l'imam Ahmed. Il y a l'un des amis de l'imam Ahmed qui est rentré lui rendre visite quand il était malade. Il l'a trouvé en train de faire le anin. Anin, ça veut dire quand quelqu'un est malade, il fait un certain son, il fait comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle comme ça. Alors l'autre, il a dit à Ahmed, alayhi rahmatullah, il lui a dit, tu fais comme ça, alors que Taous a dit que l'ange écrit même ce que tu fais maintenant. Même le malade, quand il fait un, l'ange écrit. Il a dit alors, Ahmed s'est arrêté. Il a dit plus, ça aussi c'est écrit. Donc, je m'arrête. Et l'autre, il s'est basé sur le verset qui dit, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il n'y a pas une parole, il ne prononce pas une parole sans qu'il y ait quelqu'un qui l'écrive. Donc, Ahmed, alayhi rahmatullah, s'est arrêté. Donc, les deux qui sont avec nous, ils ne s'appellent pas, ce ne sont pas leurs noms. Ils ne s'appellent pas, comme beaucoup de gens croient, ils s'appellent Raqib ou Atid. Non, ils ne s'appellent pas comme ça. Là, ça, ce sont des adjectifs. Voilà comment ils sont. Ils sont Raqib, ils sont Atid. Ça, Allah Azza wa Jal les a décrits. Il les a décrits. Le Cheikh Al-Albani, al-Rahmatullah, a dit qu'il y a un hadith, il y a un hadith, je crois qu'il est sahih, je crois qu'il est bon. Non, il a dit que, il y a un hadith qui dit quoi? Qui dit que, quand tu dis quelque chose, Allah Azza wa Jal te donne, ou a ordonné aux anges, de ne pas écrire ce que tu as dit après, يعني en te donnant l'occasion pendant 6 heures. Non, c'est un hadith authentique ou bien bon, j'ai oublié. Mais ça se trouve dans le Jama'a Sahih. Cheikh Al-Albani a dit un hadith où il est dit que quand tu dis quelque chose, l'ange, si tu dis quelque chose de bien, il va l'écrire, bien sûr. Si tu dis quelque chose de mal, l'ange qui écrit le mal te donne 6 heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Peut-être tu regrettes. Si tu regrettes, elle ne va pas être écrite dans le livre. Après 6 heures, si tu n'as pas regretté, il l'écrit. Et si une chose est écrite dans son livre, jamais elle ne s'efface. Vous savez cela. C'est pour ça que tous, on a un livre, il est accroché où? Il est accroché aussi, pardon, ici, sur notre cou. C'est comme, par exemple, une femme qui porte une chaîne. Une chaîne, ensuite, il y a la même chose. Il y a une chaîne ici, on a une chaîne, et on a un livre. Un livre qui est sur notre poitrine. Nous, on ne le voit pas. « Kulla insanin, azamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. » Donc là, je dis, chaque personne de vous a un livre ici, sur son cou, que vous ne voyez pas, et le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal, il va te faire lire ton livre. C'est tout. Il te dit, regarde ton livre et lis-le, bi-idhnillah, subhanahu Azza wa Jal. Ce livre-là, lorsque Allah Azza wa Jal le fera venir le jour du jugement dernier, yani, ils vont être étonnés, surtout les kuffars. Ils vont être étonnés lorsqu'ils liront ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas une chose qui peut échapper à ce livre. Il n'y a pas une chose qui a été dite ou la faite sans qu'elle soit dans ce livre. Comme a dit Allah Azza wa Jal, « Wa wudi'a al-kitab, fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fih. Wa yaquloun, ya waylatana, ma li had al-kitab, la yugadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira, wa la yadlimu rabbuka hada. » À peu près, la traduction à peu près, comme c'est dans ce que j'ai lu. Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dans le livre. Effrayés à cause de ce qu'il y a dans le livre. En train de dire, malheur à nous, ya waylana. Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, rien, et de rien du tout. Ni péché capital, ni grand péché. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Naam. Dans ce livre, tout est écrit. Tout ce que tu as fait ici dans cette vie, est écrit. Il n'a qu'un instant féro, maxum tamalou. Là, je l'ai dit, on faisait un duplicata de tout ce que vous faisiez. Tout ce qu'on fait maintenant, nous, yani, il est filmé, si tu peux dire. Il est filmé. Il y a le double. Le double de Allah Azzawajal te le montrera. Il dit, regarde tout ce que tu as fait dans ta vie. Donc ce livre, Allah Azzawajal montrera son livre, ce livre-là au kuffar, vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ya Allah, on n'accepte pas ce livre. On n'accepte pas que ce livre témoigne contre nous. Ils vont dire, pourquoi? Parce qu'ils vont dire, les anges ont ajouté des choses à l'intérieur. Moi, il y a plusieurs choses que je n'ai pas faites. Maintenant, je trouvais, ils ont dit ceci, cela. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est les anges qui m'ont ajouté. Ceux qui étaient à ma droite et à ma gauche, ils m'ont ajouté. Hein. Ils me détestent. Ils me détestent, ils m'ont rempli. Naam. Allah Azza wa Jal leur dira alors, vous voulez qu'il y ait un témoin de vous, spécialement de vous, pas des anges? Ils diront, naam, on accepte un témoin seulement de nous. On n'accepte pas un autre témoin. Un témoin qui nous ajoute des choses, non. On accepte seulement de nous. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal dit, vous acceptez, on accepte. Alors, il fermera sur leur bouche et il demandera à leurs mains, à leurs pieds, à leur bouche, à Jawarihadou, de parler. Naam. Yawma tshadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ce jour-là, c'est leur langue qui vont témoigner, leurs mains et leurs pieds de ce qu'ils faisaient. Alors maintenant, quand tu vois toi, tu entends ta langue parler, elle dit j'ai dit cela, tu entends tes mains parler, oui, moi j'ai pris cela, moi j'ai frappé cela, moi j'ai tué X, moi j'ai fait ceci avec la main, et ton pied est parlé, moi j'ai été à l'endroit, moi j'ai été au bar, moi j'ai été au dancing, moi j'ai été ici. Qu'est-ce que tu vas dire? Il ne te reste plus rien à dire. Mais eux, ils diront quelque chose, ils diront, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَّا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَانَ اللَّهَ لَدِي أَنْتَقَانَ كُلَشِمْ. Alors ils diront à leur peau, etc. pourquoi vous avez témoigné contre nous, et la peau, etc., répondra, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui nous a fait parler. Yani, nous, on ne se commande pas, on ne peut pas se commander nous. Nous, c'est Allah qui nous a créés, il nous a fait parler, je ne peux pas me taire. C'est comme ça que tu répondras, ta main et ton pied et ta langue. Ils vont te dire, c'est pas toi qui nous a créés. C'est Allah qui nous a créés, il nous a dit de parler, on ne peut pas. Yani, on peut se taire, on ne peut pas. Non. Et toi, pourquoi tu nous as pas fait taire? Tu sais que c'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmatullah a parlé d'autres anges. Mais je crois que je vais arrêter là. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les anges. Non, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les anges. Et le temps ne nous suffit pas. C'est pour ça que je dois laisser, Inch'Allah Ta'ala, cela à la prochaine fois. Bi'idhnillah, Subhanahu wa Ta'ala. Je vais dire que je me suis arrêté ici, Inch'Allah Ta'ala. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في صوته نعم لا حول ولا قوه الا بالله قدر الله ما شاء فعل نعم سير واسمو هذا الميكروفون لا سي الميكروفون كي مارش با heureusement que محسوب j'ai un deuxième avec moi j'ai cherché la solution il y avait pas c'était le microphone سبحان الله العظيم يعني tout seul il marche plus. Hein. Heureusement, j'ai un deuxième avec moi. El Mouhem. Mohamed 1988. Tafadl. Je m'excuse pour ce temps qu'on a perdu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Conseillez-nous pour l'éducation de nos enfants en France. Il n'y a pas d'école musulmane. On me dit qu'il est interdit de les mettre dans les écoles françaises. Que faire si on n'a pas d'autres alternatives? Conseillez-nous, une fois de l'école. C'est une question très délicate. La réponse est très difficile. Parce que faut être là-bas pour savoir comment ça se passe. Comme ça, de loin, moi, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Ceux qui ont dit que c'est interdit de les mettre dans les écoles françaises, est-ce que ce sont des ulama qui ont dit ça? Parce que moi, je ne sais pas ces choses-là. Je n'ai pas cherché dans ces choses. Je ne sais pas qui a dit que c'était interdit. Ensuite, tout ça, c'est les problèmes de vivre avec les kuffars. C'est pour ça que je dis que quiconque peut faire la hijra, il s'éloigne des pays des kuffars parce qu'ils vont te faire beaucoup de mashakel. Ensuite, la fille, ils vont lui dire il faut que tu enlèves le voile pour entrer au lycée ou là, je ne sais pas où. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ça, je ne peux pas te répondre, Allah, je ne connais pas la réponse. Je ne sais pas parce que ma réponse doit être basée sur des choses que je ne connais pas. Qui est-ce qui a dit qu'on ne peut pas les mettre dans les écoles françaises? Ce sont des ulamas, ou là c'est toi seulement qui a dit ça, ou là c'est des gens qui ont dit ça, ou là... Est-ce que quelqu'un peut faire la hijra et il ne la fait pas? Il y a beaucoup de choses qui rentrent ici. Il y a beaucoup de choses. Je sais que c'est difficile. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Femme, je sais que c'est difficile. Allah, inshallah ta'ala, la solution c'est que tu poses la question à un savant, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala, tu poses la question à un savant, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, il te donnera, inshallah ta'ala, la réponse. Je m'excuse si je n'ai pas la réponse. Barakallahu fik. Jamal 38, tafadl. En ce qui concerne ta question, mon père m'a laissé des biens, mais je ne sais pas si ces biens proviennent d'argent licite ou illicite. Est-ce que ces biens sont licites pour moi? Puis est-ce que tous les musulmans entreront au paradis, inshallah ta'ala? Naam, quand quelqu'un ne sait pas l'argent, s'il est licite ou illicite, c'est pas la peine qu'il cherche. Si ton père est musulman, c'est pas la peine que tu cherches, d'où est venu son argent? L'argent va aux héritiers, inshallah ta'ala. Ensuite, est-ce que tous les musulmans entreront au paradis? Inshallah, tous les musulmans entreront au paradis. Tous ceux qui n'ont pas annulé leur islam, ça veut dire tous ceux qui meurent musulmans. Parce que des fois on est musulmans, ensuite on fait des choses, ou là on dit des choses, qui peuvent nous faire entrer dans le coffre. Des fois, si quelqu'un, par exemple, insulte Allah subhanahu wa ta'ala, bien quelqu'un va insulter le Coran, ou bien il va le piétiner, comme ça, yani. Alors, il sait, il le fait exprès. Il n'est pas fou, il n'est pas en question, il n'a pas oublié, il a fait exprès, etc. Yani, tatawaffar fi shurut, tanta fi mawani', celui-là, il devient kafir. C'est pour ça que quiconque meurt musulman, il rentrera, inshallah ta'ala, au paradis, même s'il doit passer par l'enfer. Mais il finira par rentrer au paradis pour rester éternellement. Ça, c'est, inshallah ta'ala, l'ouad de Allah subhanahu wa ta'ala envers tous ceux qui vont mourir musulmans, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Falissaniya wit, tafadzal. Jazakallahu khairan. Je suis là, je mets deux quand je finis la question. Tafadzal, ma'alish. On t'attend, inshallah. Barakallahu fik, palestinien 8. La question n'est pas longue. Allez, on commence par haut. Il y a un frère qui a des problèmes avec toute sa famille, même avec ceux du bled. Même avec ceux du bled. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Il n'arrête pas de lui dire que la barbe n'est pas obligatoire et qu'il est mieux pour lui de la retirer, de s'habiller normalement à l'occidental. Il lui dit que c'est mieux pour toi dans ta vie professionnelle, pour ta famille. Aussi, pour pas qu'elle soit vue comme une famille de Ikhwani. Là-bas dans son pays, les musulmans qui suivent la sunna, ils appellent les Ikhwani. Ce frère, il en a marre. Des fois, il lui arrive de pleurer pour ça. Car il veut savoir comment les convaincre, comment avoir de bons arguments contre eux et ce qu'ils disent. Et si ça persiste, est-ce qu'il peut couper les liens avec sa famille? C'est une solution qu'il se donne. Pour être tranquille, mais qui est lourde de responsabilité, car aucun membre de sa famille ne porte la barbe. Ils sont pour la pure très bons pratiquants, ils font le hajj à plusieurs reprises. Il demande aussi s'il peut vous appeler pour en discuter, si ça va mal. Barakallahu fikoum. Non, il peut m'appeler, il m'écrit dans le hotmail et je lui donne un rendez-vous. Je lui dis par exemple demain à telle heure, je t'attends au téléphone. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne celui-là, il faut qu'il sache que chaque croyant doit avoir des épreuves. Alif lam mim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Comme ça dit Allah Azza wa Jalla, il a dit, vous croyez que, vous restez comme ça sans avoir d'épreuves, alors que j'ai fait des épreuves à ceux qui étaient avant vous. Il faut que je vous fasse vous aussi pour que vous sachiez, c'est pas pour que je sache moi, pour que vous sachiez vous quels sont les sincères et quels sont ceux qui mentent. C'est l'épreuve qui fait montrer est-ce que quelqu'un est menteur ou là il n'est pas. Celui-là, il a des épreuves avec sa famille. Donc, il doit, inshallah ta'ala, il doit quoi? Il doit patienter. Et inshallah ta'ala, Allah Azza wa Jal va le faire triompher. Naam, quiconque patiente, et il va, inshallah ta'ala, les faire triompher. Parce que tous on a eu des épreuves, et des fois tu as l'épreuve avec ta femme, des fois avec toute la famille, des fois avec... les voisins, des fois avec le responsable au travail, des fois avec ton père, chacun a des épreuves, des fois avec son mari. Chaque musulman, chaque croyant doit avoir des épreuves. Alors celui-là, il doit patienter, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera. Et de toute façon, la famille, yani, il n'est pas obligé d'aller chez eux s'ils sont loin, si c'est pas son père, sa mère. Il n'est pas obligé d'aller à tout le monde pour qu'il lui fasse des problèmes. Enfin, il va pas chez tout le monde pour qu'il lui fasse pas des problèmes. Lui, il n'est pas obligé de les suivre. Il suit ce que lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal, tous les cœurs de toutes les créatures sont entre deux doigts de ses jolies mains. Enfin, c'est Allah azza wa jal qui, inshallah ta'ala, fera réjouir les gens de lui. Naam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Dit au cheikh, comment il dit que c'est permis de lire le Coran en groupe pendant la prière, alors que c'est bid'a aussi. Hammat al-Quran, C'est quoi Hamat al-Quran là? T'as mal là, c'est qui Hamat al-Quran? Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai pas compris. C'est un pseudo. Ah. Naam. Dis au shir comment il dit? C'est un frère qui me dit d'écrire ça. Ah, d'accord. Dis au shir comment il dit que c'est permis de dire le coran en groupe pendant l'apprentissage alors que c'est bid'a aussi. Dis à ce frère d'aller dire à Cheikh Ben Outhémine pourquoi tu as dit ça. Dis à ce frère Hamat al-Qur'an, il va chez la famille de Cheikh Ben Outhémine, il leur dit pourquoi votre père, Cheikh Ben Outhémine, pourquoi il a dit ça dans ses fatwas. Pourquoi il a dit il est permis que pour apprendre le Coran, on peut le faire en groupe, et si on veut, on le fait comme ça pour le réciter, c'est une bida. Comme ça dit Cheikh Ben Outhémine, il a dit si tu le fais bebdin, ça devient bida. Mais si tu le fais comme seulement un moyen pour apprendre, il a dit c'est pas bida. Alors dis-lui qu'il dise à Cheikh Ben Outhémine, à sa famille, pourquoi Cheikh Ben Outhémine a dit ça, ou bien qu'il dise, yani, qu'il fasse des doigts contre lui. Il dit, puisque celui-là, il a fait comme ça, je vais faire des doigts contre lui, parce que ce n'est pas un adam, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Salam 57, fadal. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne la durée de 6 heures avant que l'ange écrive, la mauvaise action, est-ce que ça concerne les petits péchés ou c'est les grands barakallahu fikoum? Naam. Quand on fait quelque chose, dès qu'on l'a fait, si on la suit directement par l'istighfar et par ceci, yani demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, même si c'est un grand péché, elle n'est pas écrite. Même si c'est un grand péché, elle n'est pas écrite. Parce que pourquoi? Parce qu'on a fait le repentir. Si quelqu'un a fait une grande chose, par exemple, ensuite, après l'avoir faite, yani, il s'est rappelé, il s'est dit, astaghfirullah, qu'est-ce que j'ai fait, a'oudou billah, il a regretté, il a juré Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus la refaire, etc. Celui-là, même si c'est un grand péché, il ne sera pas écrit bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc je crois que les 6 heures, c'est en ce qui concerne toutes les choses. Toutes les choses, bi-idhnillah azza wa jal. Wallahu subhanahu azza wa jal a'lam. Fawzi 93, tafadhal. Dans le tafsir Ibn Kathir, la sourate al-Asr, naam. Un affaire sahih, il dit que deux sahabas ne se feraient pas sans réciter la sourate de l'Asr. D'où vient cette pratique dans. Comment est-ce que c'est fini la question? D'où vient cette pratique dans. Normalement, quand tu as écrit dans, c'est pas terminé la question. Mais ma'alish. C'est qui Abu Yusuf, Tamallah? C'est qui Abu Yusuf? Naam. Parce que quand je réponds aux questions, c'est difficile. Vous écrivez, je réponds. Enfin, c'est difficile quand vous écrivez, je réponds. Il m'est difficile de répondre. Naam. J'ai même oublié ce que j'allais dire. Hein. Naam, Fawzi 93. Fawzi 93. Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Il y a 20 ou 25 ans, avait dit que quand on voulait séparer, quand on est en groupe, on veut séparer, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de lire Sourate Al-Asr et de se séparer. Il a dit parce que les hadiths qu'il y a dans cette chose, c'est vaïf, il est faible. Ensuite, après 20 ans ou 25 ans, il a dit, le hadith que j'ai dit, il est faible, il a dit, il est sahih. Il est sahih ou il est bon. Il a dit, donc, c'est de la sunna, avant de te séparer quand tu es en groupe, de lire Sourate Al-Asr. C'est comme ça qu'a dit Cheikh Al-Albani. La première partie de sa vie, il a dit, il est faible, on ne l'a fait pas. C'est peut-être même une bid'a. Ensuite, la deuxième partie de sa vie, il a dit, ça se fait. Ça se fait. Avant de se quitter, tu dis, Al-Asr, inna l'insan la fi khus, et tu dis, salam alaykoum. C'est comme ça qu'a dit Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Abu Maryam, tafadlan. Fika barakallah. Je crois qu'il a dit sahih ou bien il a dit hasan. Une des deux choses. Abu Maryam écrit. Par phrase. Et nous on t'attend, Inch'Allah ta'ala. Écrit phrase par phrase, on t'attend. On dit chaque phrase et on t'attend, Inch'Allah. Le temps, Inch'Allah, que tu écrives, on va donner à Qasi Salaf. Je crois que c'est Qasi Salaf qui est derrière toi. Le temps que tu écrives, Inch'Allah, ta question. Qasi Salaf, ta fadlal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Un frère a appelé sa fille Numidia. quand il n'était pas salafi. Et il voudrait savoir s'il doit lui changer de nom. Barakallahu fikoum. S'il veut lui changer de nom, qu'il lui change. Qu'il fasse comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Qu'il fasse comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui s'appelait Barra, il l'a appelé Zainab. Et il changeait beaucoup de prénoms. Maintenant, si c'est Numidia Hada, il trouve que ce n'est pas, il convient pas, il l'appelle. Il l'appelle par exemple Khadija. Il l'appelle Hafsa. Il l'appelle Aisha. Hein? S'il aime vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il va l'appeler par l'une de ses femmes. Ou bien l'une de ses filles. Fatima, Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum. Et comme ça. Inch'Allah ta'ala. Donc il lui change. Naam, il lui change s'il veut. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Abu Maryam, je n'ai pas compris le jugement du mort par Allah subhanahu wa ta'ala. Quel jugement? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Réécris une autre fois, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Le jugement, c'est tellement long et large. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par jugement? Abu Ahmed, tafadlal. Pendant que Abu Maryam nous explique. Salamu alaikum. Comment sera récupérée l'âme du musulman qui fait des grands péchés? Naam. Son âme sera-t-elle arrachée brutalement? Naam. Quand Allah Azza wa Jalla ou bien quand son prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlait, à chaque fois il parle du mu'min, yani que alhamdoulilah ça, yani tout va bien se passer, etc. Ensuite, ils divisent toujours en deux. Ensuite, ils disent le kafir ou bien le fajr. Voilà comment ils disent. Le kafir ou le fajr. Comme ça, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça qu'ils disent. Il dit, amma le kafir ou le fajr. Donc, en ce qui concerne celui qui était dans les grands péchés, sûrement que son âme aura des difficultés pour sortir. Pas comme celle du kafir, mais pas comme celle du pieux. Ça veut dire qu'il aura beaucoup de difficultés à faire sortir son âme et elle essaiera de se sauver, etc. Mais pas au point du kafir, parce qu'il est toujours musulman. Parce qu'il est toujours musulman. Et c'est d'après la piété ici, que ce sera, il lui sera facile qu'elle sorte. Et d'après combien qu'on était noyé dans les péchés, qu'il lui est difficile de sortir. Naam, c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Parce que y a pas un hadith ou là qui est très clair en ce sens. Naam, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et le corps ressent-il le lavage mortuaire? Comment ça le lavage mortuaire? Et le corps ressent-il? Ah, quand on est en train de le laver, tu veux dire? Quand on est en train de le laver. Astaghfirullah tu voulais. Dès que l'âme sort du corps, on la fait monter chez Allah subhanahu wa ta'ala, et comme j'ai dit, ou bien elle rentre dans les cieux, ou bien elle rentre pas. Les hadiths que je connais disent que de là-bas, elle va directement à la tombe. Je ne connais pas un hadith qui dit qu'on la fait revenir quand on est en train de le laver. Mais je sais que le hadith dit que de là-bas, Inch'Allah ta'ala, elle descendra pour être questionné dans la tombe. Je ne connais pas un hadith qui dit qu'elle revient dans son corps quand on est en train de le laver. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam, akhi Abu Ahmed. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. On était avec... Qu'est-ce que c'est écrit ? Salam alaykoum. Le Cheikh Abu Yusr. Naam. Maintenant, je ne sais plus où sont les questions. Abu Maryam. Des choses qu'il fait, bonnes ou mauvaises, se fait instantanément après sa mort, ou bien Yawm al-Qiyamah. Des choses qu'il a fait, bonnes ou mauvaises, se fait instantanément après sa mort, ou bien Yawm al-Qiyamah. J'ai pas compris, Abu Maryam. Pardon, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Compris jugement du mort. par Allah subhanahu wa ta'ala, des choses qu'il a fait, bonnes ou mauvaises, se fait instantanément après sa mort, ou bien yom al-qiyama. Je vais te répondre d'après ce que j'ai compris à peu près. Quand quelqu'un ici fait des choses, soit elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, après quand il va mourir, s'il y a des choses qui sont bonnes ou qui sont mauvaises, yani quand il va à la tombe, il va commencer là-bas le supplice. S'il n'avait pas fait la salat, il avait fait des choses, etc., le supplice va déjà commencer dans la tombe. Et s'il avait fait des choses de bien, etc., le délice va déjà commencer dans la tombe. Dans la tombe, les anges qui vont le questionner, quand il va répondre, on lui dira, on savait que tu faisais des biens, on savait que tu faisais du bien. Et aux autres, on dira, on savait que tu faisais du mal. Ensuite, quand ils le frappent, etc., ils vont partir. Il y a quelqu'un de très méchant, de très affreux, qui va venir, et le mort va lui dire, c'est qui toi? J'ai jamais vu quelqu'un de plus moche que toi, etc. Il va lui dire, moi, c'était mauvaise action. Ces mauvaises actions qui vont rester avec toi, et année jusqu'au jour du jugement dernier. Et l'autre, il y a quelqu'un de très beau, etc., qui va venir. On lui dira, c'est qui toi? Il va dire, moi, c'était belles actions. Ta salat, ta zek, etc. Je suis venu sous forme d'une belle personne pour te tenir compagnie, etc. Je crois que c'est à peu près ce que tu cherches. Wallahu subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas bien compris. Abu Bu'alam, tafadlal. Abu Bu'alam, peut-être tu n'es pas avec nous. Abu Jalil, 93, tafadlal. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voici ma question. J'ai commencé à jeûner le deuxième jour de Sha'ban. Est-ce que j'arrête le 15e ou le 16e jour de Sha'ban? Car j'ai oublié le premier jour de Sha'ban. Barakallahu fik. Naam. Chauf, tu arrêtes à la moitié de Sha'ban. Et le fait d'avoir oublié le premier jour, si tu avais l'intention de le faire, si tu ne l'avais pas oublié, il est écrit chez Allah subhanahu wa ta'ala que tu l'as fait, inshallah ta'ala. Naam. Quiconque veut faire une chose à l'intention de la faire et il l'oublie, Allah Azza wa Jalla lui écrit, c'est comme s'il l'avait faite, inshallah ta'ala. Toi, inshallah ta'ala, sois tranquillisé et rassuré. Tu as oublié, khalas, c'est écrit chez Allah subhanahu wa ta'ala que tu l'as fait, inshallah ta'ala. Et arrête au 15e jour pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, idan tasafa sha'aban fala tasumu. Il a dit, si Sha'ban arrive à la moitié, ne faites plus le carême. Sauf bien sûr pour ceux qui ont l'habitude, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Umm Qasim, tafadlali. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Est-ce que le musulman qui accomplit la hijra peut retourner en France pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge de l'État français pour un traitement médical qui coûterait très cher à recevoir dans le pays musulman de la hijra? Barakallahu fikum. Ce que je sais, c'est que quelqu'un, quand il parle d'un pays, il part d'un pays, muhajir, il ne revient pas à ce pays, sauf bien sûr quand il est dans une daroura ou quand il est dans un besoin. Moi, si je fais la hijra de France, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne reviens pas pour habiter là-bas. Mais je peux revenir pour voir quelqu'un, je peux revenir pour aller acheter quelque chose, je peux revenir pour une chose dont j'en ai besoin. Mais je ne peux pas revenir pour aller habiter là-bas, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté Mecca, il a habité toujours à Medina. Mais ça l'a pas empêché de revenir à la Mecque pour la reconquérir et pour l'ouvrir. Donc toi, si tu reviens, inshallah ta'ala, c'est pour un besoin ou là pour une daroura. Mais tu ne reviens pas pour habiter une deuxième fois. Ça, ce n'est pas permis, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ummu Hafsa 2006, tafadlali. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Les anges, la question, les anges qui cherchent les assemblées, le dhikr, peuvent-ils entrer dans les endroits où il y a des images, barakallahu fikum? Naam. Il n'y a pas quelque chose, yani, très clair en ce sens. Il y a quelque chose de général, que les anges ne rentrent pas dans les endroits où il y a les images. Les anges, en général, ne rentrent pas dans les endroits où il y a les images. Et je crois que, s'ils trouvent, yani, même s'il y a du dhikr, je crois que peut-être ils ne rentrent pas à cause des images. Mais je ne peux pas dire vraiment ils ne vont pas rentrer parce que je ne suis pas très sûr. C'est pour ça que je voudrais d'abord chercher pour être sûr de ce que je dis. J'ai parlé comme ça, yani, généralement, que les anges ne rentrent pas dans les endroits où il y a des images, mais vous devez savoir que il y a certains anges, par exemple, que les images ne gênent pas. Par exemple, si quelqu'un doit mourir, qu'il est dans un endroit plein d'images, l'ange de la mort doit rentrer. Il va pas dire, il y a des images, je vais pas rentrer. Il doit rentrer pour prendre son âme. C'est pour ça que j'ai dit que peut-être que cela, spécialement à cause du dhikr, peut-être qu'ils peuvent rentrer. Mais je ne suis pas très sûr. Je penche un peu à ce qu'ils ne rentrent pas. Mais il faudrait d'abord que je sois sûr, Inch'Allah Ta'ala, pour que je te réponde. Laisse-moi un peu de temps, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce que je sois sûr. Bi'idhnillah, Subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, la conclusion c'est quoi? Naam, Jazakillah khair. La conclusion c'est quoi? C'est que on est donc poussé à s'éloigner au maximum des images et des photos. Donc tu vois, pour être sûr qu'ils vont rentrer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'éloigner des images et des enfants. Des enfants, pardon. Des images et des photos, parce que j'allais parler d'enfants. Et beaucoup de gens croient que les enfants, on peut les habiller avec des choses qui ont les images. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, a dit non, ça c'est pas vrai. Les enfants, ils peuvent, par exemple, avoir des choses, par exemple, sur lesquelles, par exemple, ils piétinent des choses qui sont des photos, des cendriers ou là, des choses comme ça, parce qu'ils les piétinent. Mais les habiller avec des choses qui ont des photos et des animaux, etc., Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, ça ne se fait pas. Non, ça, il a dit, comme il est interdit au pubère, il est aussi interdit à l'enfant, à ce qu'on l'habille avec des choses pareilles. Allah subhanahu wa ta'ala alam, ça c'était juste en plus. Umrihana tafadhali. Fiki barakallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que la plupart des questions sont dans la aqida, masha'Allah. Aujourd'hui, la aqida, elle a travaillé dans le cœur. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que les kuffars dans le sijn seront châtiés en groupe? Est-ce que c'est cela leur châtiment de la tombe? Car ça voudrait dire qu'ils ont une tombe en commun. Pouvez-vous m'éclaircir? Barakallahu fik, jazakallah. Non, naam, il n'y a pas le châtiment en groupe. Il n'y a pas le châtiment en groupe. Quand on va les faire entrer sous la terre, etc., avant quoi? Avant qu'ils partent dans la tombe. C'est juste avant qu'ils partent dans la tombe. C'est comme a dit Cheikh Al-Albani, rahmatullah, il a dit quand quelqu'un meurt, et on commence, s'il est pieux, on arrive au premier ciel, on dit qui est-ce, on dit c'est l'âme de X qui est avec nous, on lui ouvre la porte. Il a dit dès qu'il rentre, tous les anges qui sont dans le premier ciel vont l'accompagner pour aller avec lui jusqu'au deuxième ciel. Ensuite, tous les anges qui sont au deuxième ciel l'accompagnent au troisième ciel, etc. Mais le plus important, il a dit, dès qu'il rentre au premier ciel, toutes les âmes des croyants qui sont au premier ciel, il va rencontrer les âmes là-bas des croyants qu'il connaissait. Il a dit, ils vont lui poser des questions. Yani, comment vas-tu? Comment va X? Comment va Y? Au point, il a dit, le hadith qui a dit, bien sûr, il a dit, au point où on va lui demander même, est-ce que la fille X s'est mariée ou s'est pas mariée? Est-ce que, par exemple, Zohra, est-ce qu'elle s'est mariée? Au point où les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ceux qui ont l'âme entre la main, ils vont lui dire, laissez-le, da'ouh, da'ouh, laissez-le, il vient juste de se reposer. Yani, il vient juste de sortir de la vie. Laissez-le un peu respirer. Maintenant, en ce qui concerne les koufars, c'est la même chose. Quand ils vont descendre avec l'akhar, son âme dans la terre, c'est juste pour que yani, les koufars sachent que voilà un nouveau kafir qui est venu aussi avec eux, etc. C'est la rencontre des âmes, c'est tout. Ils vont yel'anou ba'dhum ba'dhan. Ensuite, chacun va partir dans sa tombe. Mais même, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et Imam Malik aussi a dit cela, il a dit que l'âme, quand elle est dans la tombe, Elle a un peu de, yani, elle a un ittifaq, yani, un ittifaq, une relation entre le ciel et la tombe. Des fois, elle est au premier ciel, des fois, elle est dans la tombe. Des fois, elle est au premier ciel, des fois, elle est dans la tombe. C'est comme ça qu'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. La même chose pour le kafir. Des fois, elle est dans la tombe, et son âme, et des fois, son âme, elle sort pour aller vers les kuffars, là-bas, pour rencontrer les kuffars, et elle revient, elle sort et elle revient. Comme ça qu'on dit, les ulama, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mais la tombe, c'est chacun est dans sa tombe. Chacun est dans sa tombe et le supplice, il n'y a pas en groupe. C'est pour ça que on dit que la cassette qu'on nous a fait entendre, où on entend le supplice de groupe, n'est pas vrai. Hein, la cassette de Zindani, où il est dit que on entend les gens en train de crier en groupe, ça, ce n'est pas vrai. L'une des choses qui prouve que ce n'est pas vrai, c'est qu'ils sont en train d'être suppliés et châtiés en groupe. Alors qu'il n'y a pas le châtiment en groupe. Chacun, kullu nafsin bima kasabat rahina. Chaque âme d'après ses actions. Chaque âme est otage de ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ubay 51, tafadlal. Ubay, est-ce que tu es inshallah avec nous, Ubay? Ubay, alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Ya Sheikh, il y a certains frères et sœurs, salafiyoun, bon, dans la romance la plus solide. Ce sont des roms tekfiri, pouvez-vous le faire, nasiha, inshallah, car ces tekfiri utilisent comme prétexte les kofars tués, violent nos mères et nos sœurs, etc. Est-ce que peut faire des choubouhats aux frères et aux sœurs qui vivent, qui suivent Ahl Sunnah, même pour ceux qui débutent dans la religion, etc. Pouvez-vous leur faire une nasiha? Naam. Je fais une nasiha à mes frères et mes sœurs. Je leur fais une nasiha en Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne veux que vous me donniez ni l'argent, ni l'or. Je veux seulement que Allah subhanahu wa ta'ala se réjouisse de moi et me fasse rentrer dans le paradis. Quand vous allez dans la salle, l'anse la plus solide qui ne peut se briser, j'ai bien, bien peur pour vous que vous ayez des péchés. Naam, vous rentrez dans une salle de takfiriyin, une salle que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, une salle qui insulte les ulama, une salle qui va à l'encontre du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une salle qui parle du matin au soir, le gouverneur, le gouverneur, le djihad, le djihad, le gouverneur, le djihad, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah Azzawajal veut du bien à quelqu'un, il lui apprend son dîn. Regardez cela, il reste 6 mois, 10 mois, une année, ils n'apprennent pas ni un hadith, ni un verset, ni comment on fait le wudu, ni comment on fait la salat, ni comment on fait la zakat. Du matin au soir, ils ont tué, ils ont violé, ils ont fait la bombe, ils ont fait cela. Et je dirais plus que ça, le malheur, c'est que personne d'eux ne va au djihad. Personne d'eux. Il parle seulement. Personne d'eux ne va au djihad. Ce qui m'a choqué aussi, c'est qu'il y a même parmi eux, il y a des femmes. Il y a des femmes, je crois, qui sont admines. Masha'Allah, il y a même des femmes qui sont admines. Alors ceux-là, leur plus grand péché, ils ont deux grands péchés. Le premier, n'avoir pas suivi le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas avoir suivi les ulama, ils sont contre les ulama, les grands ulama, ils disent ce ne sont pas des ulama. Et le deuxième grand péché, vous savez lequel? C'est d'avoir été convaincu qu'il y a le djihad et qu'ils parlent seulement et ils ne partent pas. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oh vous croyants, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Le plus grand péché chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que vous dites des choses que vous ne faites pas. Pourquoi? Pourquoi ils restent tout, du matin au soir en train de parler? Pourquoi ils sont convaincus? Pourquoi ils ne ferment pas la salle, ils vont au djihad? Pourquoi ils parlent seulement? Pourquoi ils poussent les gens? Ils poussent les débutants qui ne savent pas. Ils égarent les gens qui ne savent pas. C'est pour ça. Quiconque rentre dans cette salle, quiconque rentre dans cette salle ou une autre, qui est pareil. S'il devient takfiri, c'est pas la peine de se plaindre après. S'il commence à dire, moi j'ai des choubouettes, moi je ne sais pas, je crois qu'ils ont raison, etc. Ensuite tu deviens takfiri, ensuite tu meurs. C'est l'enfer. Personne, yani, c'est pas la peine de te plaindre demain. Tu connaissais le chemin et c'est toi qui as voulu aller là-bas. C'est pour ça que je donne un conseil à mes frères et mes sœurs de ne pas rentrer dans une salle pareille. Ne rentre pas dans les salles pareilles. Je vois maintenant, moi, des salles ici. Ah ouais, voilà, il y a un frère qui a commencé à avoir des choubouettes. Ils ont commencé à me dire, tu as vu nos sœurs, ceux qui font violer, qui font tuer, etc. C'est un âme. Voilà, celui-là, il va entendre des choses pareilles. Il va dire, khalas. Donc ceux-là, ce sont des koufars. Voilà ce qu'ils ont fait à nos sœurs. Voilà ce qu'ils ont fait aux petits, etc. Donc ceux-là, c'est des koufars. Donc, il faut yani, rester dans les salles où il apprend le manhaj sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis tu n'as pas assez d'ilm pour rentrer là-bas. Tu n'as pas assez de vaccins. Tu n'as pas assez de vaccins. Yani, ils vont t'enfler comme on gonfle un ballon. On le gonfle, on le gonfle, on le gonfle. Ensuite, une petite épine, elle fait éclater. Ibrahim, notre prophète, alayhi salatu salam, Ibrahim, c'est notre prophète. Quel pourrait conseil lui donner à ceux qui défendent le Liban? Notre prophète Ibrahim, alayhi salam, on lui a pris sa femme. On lui a pris Hajar, vous connaissez, pardon, c'est pas Hajar, Sarah. On lui a pris Sarah, hein, le gouverneur l'a prise. Et il l'a pris exactement pour faire le haram avec elle. C'était un gouverneur qui, à chaque fois qu'il entendait qu'il y avait une belle femme, il la prenait de force. Il l'a prise de force. Et vous connaissez l'histoire dans le Bukhari. Et comment yani Ibrahim a.s. a patienté. Et comment l'Azoujla lui a rendu. Et Sarah, comment, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était avec le gouverneur. Et comment l'Azoujla l'a rendu à son mari. Et en plus de cela, elle est revenue avec yani la, comment ça s'appelle yani elle a gagné une chose, elle a gagné quoi? La servante, elle a gagné Hajar. Elle est revenue avec le tribut là, comment ça s'appelle. Donc, il faut regarder Ibrahim alayhi salam, il n'a pas dit je fais la guerre ou là, mais il avait fait ce que Allah Azza wa Jalla avait demandé, usta'inu bis sabri wa salat. Usta'inu bis sabri wa salat. Je sais que le djihad existe en islam. Quiconque dit il n'y a pas de djihad, celui-là c'est un djihad, c'est un ignorant. S'il dit non, il n'y a pas, on lui apprend, on lui dit si, il y a le djihad, c'est un pilier. S'il dit il n'y a pas, celui-là il devient kafir. Si Khalas Qamta Ali al-Hujja, il dit non, il n'y a pas le djihad, je nie le djihad. Mais le djihad, ce n'est pas nous qui le savons, ce sont les ulama qui te disent. Ils te disent il y a le djihad, ils te disent voilà les conditions du djihad, etc. Al-Muhim, moi je vous donne un conseil. Ne rentrez pas dans des salles pareilles, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce que yani, vous soyez assez vaccinés pour, si vous entendez quelque chose, vous savez que ce n'est pas vrai. Mais maintenant, quand vous rentrez, vous n'avez pas les bases, tout ce que vous entendez, vous allez dire que c'est vrai ce qu'il a dit. Pourquoi? Car vous ne connaissez pas, vous ne savez pas quelles sont yani, les réponses à ce qu'il est en train de dire. Salah 18. Naam. Wallah, c'est drôle ce qui se passe dans des salles, Hadou. C'est drôle ce qui se passe dans des salles. J'ai entendu seulement hier ou l'avant-hier, j'ai entendu quelqu'un dans une salle dire, la hawla wala quwwata, une salle d'islam, hein. Une salle d'islam, là, il fait des drôles d'islam. Il dit, moi, ça fait 6 ou 8 ans que je connais une femme. Je connais une femme, je marche avec elle. Alhamdoulilah, je lui ai rien fait, alhamdoulilah. Je lui fais seulement la bise. Alhamdulillah, vous savez, moi je suis sérieux, je fais seulement la bise. Hein. 6 mois ou là 8 ans, on a chaque fois que je sors avec une femme. La hawla ou la quwwata illa billah. C'est quelqu'un qui a une salle d'islam, qui leur fait des doros. La hawla ou la quwwata illa billah. L'ali l'adim, na'oudou billah min al-dalal. Na'oudou billah min al-dalal. Al-Mubin. Ibrahim 5, tafadhali. Ibrahim 5, tafadhali. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله عز وجل ام ابراهيم استويلا avec nous inshallah سلفيه 92 prépare toi inshallah taala bon pour ne pas perdre de temps inshallah taala سلفيه 92 تفضلي le temps que ام ابراهيم écrive quelque chose عبدالعزيز est-ce qu'il y a le son ou il y a rien. Peut-être que personne ne m'entend. Si, hein. Comment se fait-il? Ni Ibrahim, ni Salafia n'ont écrit quelque chose. Peut-être qu'elles sont pas là, peut-être qu'elles sont pas là. Ah? Si elles sont pas là, on passe à Abu Mariam. Ils sont peut-être pas devant le PC, d'accord. Abu Mariam, tafadhal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Hayyakallah Abu Mariam. Pouvez-vous nous définir ce qu'est la mixité au niveau de la charia? Je n'ai pas bien compris la question. La mixité en islam, je te parle de la mixité en islam, elle est interdite. Naam. Elle est interdite. Il faut que, naam. Il faut que, yani, si c'est par exemple une mosquée, il faut qu'il y ait quelque chose entre les femmes et les hommes. Si quelqu'un va me dire au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait rien, il n'y avait ni voile, ni rien, on dira ça, mais les temps ont changé. Les temps ont changé. Maintenant, yani, ce ne sont pas les sahaba qui vivent avec, on n'est pas des sahaba ni des tabi'in. Maintenant, les temps ont beaucoup changé. Il y a beaucoup de perversité, il y a beaucoup de péchés, etc. C'est pour ça que les ulama disent maintenant, même si on construit une mosquée, on ne laisse pas comme ça les femmes derrière nous directement. Mais on doit faire un voile, ou bien on doit faire un mur. Un mur, comme ça, yani pour qu'il n'y ait pas de mixité. Donc, en islam, par exemple, dans un travail, s'il y a 20 hommes et une femme, est-ce la mixité alors? Dans le travail, des fois tu travailles dans des endroits où il y a la femme et des fois où il n'y a pas une autre solution. Non, des fois où il n'y a pas une autre solution. C'est pas toi qui as voulu que la femme vienne travailler. Et dans ce cas, quand tu te trouves dans l'obligation, il n'y a pas un autre travail où il n'y a pas de femme, tu as cherché, il n'y a pas. Dans ce cas, tu évites la femme au maximum. La femme a dit qu'il travaille. Ils sont 20 hommes et il y a une femme. Donc toi, tu parles avec les 19 hommes. Tu parles avec 19 hommes. Tu parles pas avec la femme, sauf quand tu es dans l'obligation de lui parler. Mais parle avec les 19 hommes. Et discute avec eux. Et éloigne-toi de la femme Ali qui travaille avec vous. Incha'Allah ta'ala. Sauf quand tu es obligé de lui parler. Wallah subhanahu wa ta'ala, c'est très long, hein. Tu as posé une question, yani, c'est pas très simple de répondre à cette question. Naam. Abu Ishaq, tafadhal. Jazakallahu khair, naam. Tamallah, il est 0,25, je sais. Parce que moi, je suis pas rentré. Moi, j'ai fait perdre 35 minutes pour entrer dans la salle. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Hayyakallahu biyak. Amin ya rabbal alamin. Je veux savoir, barakallahu fik, c'est quoi la différence entre un alim qui suit al-hukam et un alim qui sort des hukam. Wa hafidhakum Allah aussi, barakallahu fik. Dans la salle, après Roku Atleta, est-ce qu'il faut lâcher le bras ou les mettre sur la poitrine? Après Roku. Non. La première question, je ne l'ai pas bien comprise. La différence entre un alim qui suit le hukam et un alim qui sort des hukam. Les ulama se divisent en trois groupes. Les ulama, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, un alim, ça se divise en trois groupes. Il y a ce qu'on appelle un alim umma. Umma. C'est-à-dire un alim qui suit la nation. Il te dit ce que la nation a dit, moi je dis. S'ils disent ceci, c'est faisons le vote, faisons le vote. Faisons ceci, faisons. C'est comme les ulama, ce qu'on appelle les ulama, des partis. Hein? Tel parti, il a son chef. Son chef, il te dit, moi je suis démocratie, moi je suis. Ce que disent yani, les gens qui sont dans mon parti. Ça s'appelle Alim Umma. Ensuite, il a dit, il y a le deuxième Alim, comment s'appelle celui-là, Cheikh Ibn Uthaymeen a appelé un deuxième Alim, je ne sais pas comment il a appelé. Ensuite, il a dit, il y a le troisième Alim qui s'appelle Alim Milla. Alim Milla, c'est celui-là, le Alim qui suit le Coran et Sunna. Il a appelé, il a cité un deuxième alim, je ne sais pas qui il a dit, hein, j'ai oublié exactement, je crois qu'il a dit Alam Doula, je crois. Si je me trompe pas, il a dit Alam Doula. Alam Doula, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te dit, voilà, je crois qu'il a dit Alam Doula. Alam Doula, c'est quelqu'un qui te dit, moi, ce que l'État dit, c'est ça ce qui m'intéresse. Si le gouverneur dit haram, je dis haram. S'il dit halal, s'il dit halal. Alors le premier et le deuxième, les deux ulama, ce sont des faux ulama. Et là, il y a le troisième alam, le vrai alam, alam millah. Alam qui dit, ce que Allah Azza wa Jalla et son prophète ont dit halal, c'est halal. Ce qu'ils ont dit haram, c'est haram. Voilà le vrai alam. Maintenant, ce que tu as dit, toi, un alam qui suit les hukam, qui sort des hukam, je n'ai pas très bien compris comment cela. Le alam, il ne fait jamais la guerre à un hakim musulman. Le vrai alam, il ne fait jamais la guerre à un hakim musulman, même si ce hakim musulman, même s'il a fait tous les grands péchés du monde, sauf le shirk et les choses qui font coffre. Même s'il a bu l'alcool, s'il a fait avec les femmes, s'il a volé tout l'argent, tu dois toujours obéir à ce hakim. C'est comme ça qu'a dit notre sharia, comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les takfiriyoun qui ne connaissent pas ces hadiths et les hadiths qui ressemblent à ces choses-là, dans les Bukhari et les autres, ils croient que quand un alim vit dans un pays d'un hakim et il dit moi je fais pas la guerre au hakim, ils croient que celui-là c'est un peureux, ou là celui-là il a vendu son odéla, ou il a vendu son paradis, là celui-là il est en train de suivre le hakim. Non, c'est pas vrai, celui-là est en train de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit wa in ta'ammara alayka 'abdun habashi. Il a dit même si c'est un éthiopien, un abd, un esclave, un éthiopien, il vient demain, c'est lui qui prend le gouvernorat, tu dois le suivre. Naam, tu le suis, tu fais la prière derrière lui, tu fais le djihad avec lui, sauf s'il te dit fais quelque chose de haram, ou il te dit ne fais pas le halal, là seulement tu ne suis pas, et jamais tu fais la guerre comme lui, comme disent les takfiriyoun qui sont égarés, comme vous devez le savoir. Ensuite il a dit dans le salat après le recours, est-ce qu'il faut lâcher le bas ou les mettre à la poitrine? Tu sais que Cheikh Ibn Baz, hafidahullah, alayhi rahmatullah, c'est lui qui a dit que quand tu dis Sami' Allah liman hamidah, tu mets tes mains sur ta poitrine. Je ne sais pas un autre à part Ibn Baz, alayhi rahmatullah, je ne sais pas un autre qui a dit cela. Je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas, qui a dit que on met les mains sur la poitrine quand on dit Sami' Allah liman hamidah. Oui, l'Albani. Non, l'Albani a dit le contraire. L'Albani a dit exactement le contraire. Cheikh Ibn Uthaymin peut-être. Mais l'Albani a dit exactement le contraire. A dit, ah, Allah, il a dit il faut lâcher. Il a dit il faut lâcher. Il n'y a ni hadith, ni asar des sahaba où ils disent que il faisait comme ça. Cheikh Ibn Baz, rahmatullah, s'est basé sur l'umum, la généralité, sur l'umum. Il a dit, il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était debout, il mettait la main l'une sur l'autre. Donc moi je marche avec ça dans toute la salate. Cheikh Al-Albani rahmatullah a montré que le hadith quand il était debout, ça veut dire quand il était debout avant le recours, pas après le recours. Tu lis les hadiths, tu lis les dalils et tu lis les dalils. Abu Ishaq, tu lis les dalils. Si tu es convaincu de quelque chose, tu l'as fait parce que tu l'as fait avec un dalil. Et Allah Azza wa Jalla, inshallah ta'ala, te donnera le ajr. Pourquoi? Parce que tu n'as pas imité. Tu as suivi le dalil bi'idna Azza wa Jalla. Naam, l'Albani a dit que c'est bid'a. Naam, moi personnellement, je penche à ce que dit l'Albani. C'est-à-dire, moi je ne mets pas ma main. Pourquoi? Parce que le hadith a dit quoi? Le hadith a dit, ensuite, il a dit, quand tu te relèves, tu dis, Sami' Allah liman hamidah. Et tu attends jusqu'à ce que tes os reviennent dans leurs endroits. Hatta tarji'a al-'idamu ila ma fasiliha. Mais toi, si tu laisses tes mains, la droite sur la gauche, tes os ne vont pas revenir dans leurs endroits. Ils vont rester comme ça, tes os, yani sortis. Alors pour que tes os rentrent dans leurs endroits, il faudrait que tu baisses tes mains. والله سبحانه وتعالى أعلم. مي جامي جو في دير كو ابن باز يعني في اون بيدعة ولا جو دي با سولا جو دي كو جو سوي بلو جو بونش بوكو بلوس ا سكا دي شيخ الألباني كو سكا دي شيخ بن باز إلي دو سون دي علماء والله سبحانه عز وجل أعلم. أم عبد النور تفضلي فيك بارك الله. نعم فيك بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Je voudrais savoir si le mari de ma tante maternelle est considéré comme un de mes mahram ou pas. Puis-je lui serrer la main et retirer mon voile devant lui ou pas? بارك الله فيك. نعم أم عبد النور, il faut d'abord que je comprenne bien qu'est-ce que ça veut dire le mari de ma tante maternelle. Bon, le mari de ma tante, je sais que ça veut dire, mais maternelle de ma mère, c'est un peu difficile. Donc il faudrait que je conçoive dans ma tête qu'est-ce que ça veut dire le mari. Si tu peux m'écrire, écris-moi. Maintenant je t'attends. Le frère de, comme ça, par le frère de ma mère, ou là le frère de ma grand-mère, ou là c'est quoi exactement? Le mari de la sœur de la mère. Le mari de la sœur de la mère. Non, le mari de la sœur de la mère, c'est un étranger. L'homme marié à la sœur de sa mère. L'homme marié à la sœur de sa mère. La sœur de la naam, la sœur de ta mère, la sœur de ta mère, c'est ta tante. C'est ta tante. Naam, son mari, c'est un étranger. Naam, son mari, son mari, le mari de ta tante. Si ta tante, l'aqdallah, meurt, si ta tante, l'aqdallah, meurt, il peut se marier avec toi s'il était jeune ou si tu étais vieille. Il peut. Donc celui-là, tu peux pas lui serrer sa main ni te découvrir devant lui. De toute façon, chère sœur Oum Abdelnour, il y a une règle, il faut la prendre. Chaque personne avec laquelle tu peux te marier, s'il divorce ou si sa femme meurt, cette personne, tu peux, n'est jamais un mahram pour toi. Toujours, pour savoir si une personne est une mahram, dis-toi, est-ce que cette personne, je peux me marier avec elle si sa femme venait à mourir ou la divorcer? Si oui, ça veut dire khlas. C'est pas un mahram, tu peux pas. Et toi, tu sais très bien que le mari de la sœur de ta tante, de ta mère, tu peux te marier avec lui. C'est un étranger celui-là. Naam. Oumou Oumaya tafadlali. Naam, fiki barakallah. N'oublie pas la règle, Oum Abdelnour, n'oublie pas la règle. Regarde seulement si tu peux te marier avec lui ou pas. Oum Oumaya dit salam alaykoum rahmatullahi wa barakatuh. Conseillez-moi, car je ne vois pas pourquoi elle a mis le smile et là, comment ça s'appelle ici. Je conseillez-moi, car où commencer l'apprentissage de la religion? Quel livre lire ou apprendre en premier? Doit-on commencer en priorité par le Coran? Est-il vrai qu'il y a une salat à faire qui facilite l'apprentissage du Coran? Ou avec la sourate Yassine et Al-Ghaffar, Barakallahu fik, Inch'Allah. Naam. Pardon pour le dessin. Je sais que tu l'avais pas fait exprès parce que il n'a rien à voir ici au milieu. Il n'a rien à voir ici. Yani, c'est pas sa place. Je sais que il est venu, yani, sans le vouloir. Ma'alish. Conseillez-moi pour l'apprentissage de la religion. D'abord, il faudrait savoir quel est le niveau de celui qui veut être conseillé. Le niveau de celui qui veut être conseillé. Supposons que c'est quelqu'un qui a, Inch'Allah, qu'on est assez bien la langue ou là, yani, quelqu'un qui peut apprendre, yani, il a fait des études, yani, au lycée ou là, ce n'est pas un analphabète. Il a dit, quel livre apprendre en premier? Doit-on commencer par le Coran, etc. Le Coran, il est très important, mais il ne suffit pas. Le Coran, il ne suffit pas, car d'ailleurs, quand tu vas le lire, tu ne vas pas comprendre. Le Coran, tu le lis pour la tilawa. C'est pour, yani, à chaque fois que tu lis, tu as un ajr. Avec chaque lettre, tu as dit hasanat, inshallah ta'ala. Mais tu peux pas comprendre le Coran tout seul. Le Coran, si tu as du temps, tu mets un moment pour apprendre un peu le Coran. Mais tu dois donner beaucoup de temps à apprendre la science. À apprendre la science et commencer par les livres simples. Commencer par les livres de la aqida. Commencer par les livres qui ont rapport avec la aqida. Et parallèlement, le fiqh, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon juste. Et la aqida, c'est pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune salat pour apprendre et faciliter l'apprentissage du Coran. Ça, c'est un hadith de Ali radiallahu ta'ala anhu qui est faible. C'est un hadith faible de Ali radiallahu ta'ala anhu qui dit que si vous faites telle ou telle salat, de rak'at, etc., Allah Azza wa Jalla va vous faciliter l'apprentissage du Coran. Ce hadith n'est pas vrai. Quand quelqu'un veut apprendre le Coran, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui apprendre le Coran, etc. Ma sœur, ce qui est dommage, c'est que je ne connais pas les livres en français. Non, je ne connais pas les livres en français. Tu peux acheter un livre, je crois que peut-être à 80%, il a la traduction en français, qui s'appelle l'Usul Thalatha, les trois fondements. Les trois fondements, ce livre tu cherches s'il y a en français. S'il y a en français, tu l'achètes, il est très bénéfique pour un débutant. Il s'appelle les trois fondements. Corrigez-moi s'il ne s'appelle pas comme ça. Les trois fondements, ou là, les trois piliers. Et un île au sol, Salata. Je suis sûr que ce livre existe en français. Pour mes frères qui me disent, il y a même l'explication en français de Cheikh Ibn Uthaymeen. Il y a même son explication en français de Cheikh Ibn Uthaymeen. C'est très important ce livre. Alors, c'est plus important maintenant puisqu'il a l'explication en français. Tu dois acheter cela. Et en général, tu achètes tous les livres qui sont traduits en français des grands ulémas de l'Arabie Saoudite. Tu achètes tous les livres de Al-Fawzan, de Salah Al-Sheikh, de Al-Ubaykan, de Ibn Uthaymeen, de Ibn Baz. Tous les livres qui ont été traduits en français, tu commences avec ceux-là, tu apprends, tu gagnes deux choses. Tu apprends le din très vite et tu apprends le juste. Tu apprends le din très vite et tu apprends le juste. Imagine quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, il va lire par exemple Ihya Ulumuddin de Sheikh Al-Ghazali à Rahmatullah. Il va lire Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, il comprend des choses justes, mais beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Donc, pour commencer, il va se remplir de choses fausses. Toi, Inch'Allah Ta'ala, je te conseille, commence pas, yani, directement par yani, le vrai. Yani, comme ça, dans ton cœur ne rentrera que les choses vraies. Tu ne seras pas obligé ensuite par la suite de faire sortir le faux. Khlas, tu n'as que le vrai, Inch'Allah Ta'ala, dans le cœur. Donc, Inch'Allah Ta'ala, voilà un conseil. Commence par lire l'Usul Thalatha, Inch'Allah Ta'ala, tu verras que tu apprendras, Inch'Allah Ta'ala, beaucoup de choses. Et tu achètes les livres de fiqh aussi. Il y a Wesmo, tu peux rentrer dans un site, je l'ai vu ici, il s'appelle Al-Bayda. Il se trouve dans mon blog, il y a un site qui s'appelle Al-Bayda. Il m'a beaucoup plu en ce qui concerne surtout la femme. La femme et l'aqida et tout. Yani, il m'a beaucoup plu, c'est un site yani, où il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Il dit beaucoup ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Dans ce site, tu trouveras beaucoup de choses, Inch'Allah Ta'ala, qui sont vraies. Le site qui s'appelle albayda.com. Il est, Inch'Allah Ta'ala, dans mon blog. Si tu connais mon blog, tu rentres à l'intérieur, tu vas trouver le site, Inch'Allah Ta'ala. Celle-là, où est-ce qu'on était avec Ibrahim 5, tafadali. Ibrahim, je ne sais pas si elle a parlé, Ibrahim. L'adresse est dans la bannière, hein? Dans la bannière. Ça. L'adresse est dans la bannière du blog, ça. Elle est là, je ne l'ai pas vue. Hein? Bon, je vais voir si je peux la faire descendre. Je ne sais pas comment la faire descendre. Naam. Ibrahim, inshallah, tafadali. Naam, barakallahu fik. Voilà ma soeur, Omeya. Là où c'est écrit Ibn Taymiyyah Jiran, tu rentres, tu vas trouver dans, c'est écrit mes sites. Dans mes sites, tu vas trouver un site qui s'appelle Al-Bayda. Tu cliques à l'intérieur, voilà, Hada Al-Bayda. Khalas, fallait pas écrire Ibn Taymiyyah direct. Hada Al-Bayda, il a à l'intérieur beaucoup de choses intéressantes, surtout pour les femmes. Pour la femme, qu'est-ce qui lui est permis, lui est pas permis, Aqida, etc. Très intéressant, Inch'Allah Ta'ala. Ibrahim, je crois qu'elle n'est pas avec nous. C'est la fille à 92, tafadali. Salafia 92, tafadali. Inch'Allah ta'ala, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 personnes. Salafia, inch'Allah ta'ala, si tu es avec nous. Om Ibrahim, si tu es avec nous. Salafia 92. Et aujourd'hui, il fait des misères à sa fille. Qui fait des misères, ma soeur? Comme ça commence la phrase. Aujourd'hui, il fait des misères. Il veut qu'elle retire le djibab pour aller à l'école. Il lui met beaucoup de pression avec les autres membres de sa famille. Il a renié sa fille alors que mon frère veut faire hijra en Égypte au mois de septembre. Sachant que son père ne prie pas. Et pendant le temps, est-ce que mon frère peut lui prendre un autre tuteur? Est-ce qu'il peut se marier sans l'accord du père? Et il manque le début, ma soeur. Le début qui est très important, il manque. Naam. Walaikum salam. Voici ma situation. Mon frère veut se marier avec une Algérienne et nous sommes d'origine martiniquaise. Naam. Cela fait 5 ans qu'il est converti et qu'il est dans le minhaj, masha'Allah. La soeur est très de mon frère depuis des années. C'est pas la peine de la dire. Il a demandé la main à son père et celui-ci lui a dit qu'il lui donnerait sa réponse une fois son retour d'Algérie. Une fois en Algérie, son père lui a dit que jamais il se marie avec un noir. Il a même voulu la forcer à se marier avec un Algérien là-bas. Et aujourd'hui, il lui fait des misères à sa fille. Il veut qu'elle retire le djilbab pour aller à l'école. Il lui met beaucoup de pression avec les autres membres de sa famille. Il a renié sa fille alors que mon frère veut faire hijra en Égypte au mois de septembre. Sachant que son père ne prie pas, étant donné la situation, est-ce que mon frère peut lui prendre un autre tuteur et est-ce qu'il peut se marier sans l'accord du père? Quand en islam, ce n'est pas le père, quand ce n'est pas lui le tuteur, ça va au grand-père. Quand ce n'est pas le grand-père et l'arrière-grand-père, ça va au fils. Quand ce n'est pas le fils, les petits-fils. Ensuite, on va à la troisième chose, on va au frère. Au frère, ensuite, les frères, Naam, et leurs fils. Donc, on commence toujours par le père et grand-père. Ensuite, s'il n'y a pas, on va au fils. Ensuite, on va au frère. Maintenant, en ce qui concerne le cas, ce cas exactement, en fait, la réponse est très difficile. Pourquoi? Parce que le père de la fille, premièrement, il ne fait pas la salate. Vous savez tous que ne pas faire la salate, les ulama ont divergé. Ceux qui ont dit kafir, ça veut dire qu'il n'est plus son tuteur. Ceux qui ont dit qu'il n'est pas encore kafir, ça veut dire qu'il est toujours son tuteur. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à cette question. Ensuite, c'est pas ton frère, par exemple, qui peut choisir le tuteur. C'est pas lui qui a le droit de dire, moi, puisque ce n'est pas son père, il fait pas la prière, je vais choisir, par exemple, un autre qui va être son tuteur. Mais c'est la famille qui choisit le tuteur. C'est le tuteur, c'est, il est choisi par la religion. C'est pas nous qui allons choisir qui nous voulons, nous allons le mettre comme tuteur. C'est pour ça que c'est une question à dire vraiment difficile. C'est une question vraiment difficile. Et il lui a promis des choses, ensuite quand il est là-bas, il a tout changé. Non. Il a dit, maintenant, il lui fait des misères à sa fille, il veut qu'elle retire le djilbab, bien sûr, elle ne doit pas le retirer. Là, on ne doit pas obéir à son père et à sa mère dans des choses pareilles. On ne retire pas le djilbab à la cause de la mère et du père, et on ne laisse pas la salate à cause du père et de la mère. Là, on doit leur désobéir. Quand on leur désobéit en ces choses, on a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on leur obéit, on a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il met beaucoup de pression avec les autres membres de sa famille. Alors mon frère veut faire hijra, etc. Elle voit inshallah ta'ala avec sa famille. Elle voit comment elle trouve une solution. Si elle, la sœur a dit, si elle, elle est du genre qui dit que celui qui ne fait pas la prière, il est kafir, donc son père ne devient plus un tuteur pour elle. Si elle est convaincue que celui qui ne fait pas la prière, c'est un kafir, donc alhamdoulilah, pour elle, son père n'est plus un tuteur. Elle cherche son frère, par exemple, pour la marier ou la son grand-père, si elle l'a. Sinon, c'est son frère qui la marie. Et Inch'Allah Ta'ala, ils sont sortis du problème. Wallahu subhanahu wa azawajal a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. C'est difficile. Et pour GPC, tfadal. Salam alaikum, cher. Salam alaikum, frère et soeur. Bon, moi j'ai trois questions. Attendez, la première, c'est si on rentre dans une mosquée où il y a une cour, est-ce qu'on doit faire la doua dans la cour ou on doit attendre de rentrer dans la salle de prière? La deuxième question, c'est si on prie dans une salle où il y a une image, est-ce que la prière elle est annulée? Je dis bien annulée, pas diminuée. Et ma troisième question, c'est si par exemple je salue une prière obligatoire, est-ce que j'ai le droit de tenir le Coran pour le réciter? Voilà. Et merci pour la remarque sur la cassette de Zendani. Barakallahu fik. Salam alaikum tout le monde. Hippo, je crois que tu m'as pas vu. Je t'ai écrit, répète la première. J'ai pas bien entendu la première. Tu peux la répéter, inshallah ta'ala. Et corrige-moi d'abord. Est-ce que la salle dans un lieu où il y a une image est annulée? Non, ce n'est pas cela la première. Non, allez, c'est pas la première. Allez, c'est la deuxième. C'est la deuxième question. La première, tu as parlé de doua. Est-ce que le doua, naam? D'accord, j'ai compris. Est-ce que le doua dans une mosquée où il y a une cour, on doit la faire dans la cour ou dans la salle de prière? Naam. Regarde, en ce qui concerne la réponse à cette question, les ulamas ont divergé sur la cour. Est-ce que c'est quelque chose de la mosquée ou c'est pas de la mosquée? Est-ce que quand on arrive dans la cour, on fait la prière de la mosquée ou là on fait la prière de la mosquée à l'intérieur? Est-ce que dans la cour, il est permis de vendre ou là il n'est pas permis de vendre? Est-ce que dans la cour, dans une cour, la cour de la mosquée, il est permis de construire des toilettes ou là il n'est pas permis? Si la cour suit la mosquée, il n'est pas permis. Si la cour ce n'est pas la mosquée, il est permis de mettre les toilettes. Mais en fait, comme disent les ulama, ils disent que lorsque par exemple, la cour, elle est faite, par exemple le vendredi, on est obligé des fois de faire la prière dans la cour. Pourquoi? Parce que c'est plein. Il n'y a pas de place. Même la cour est pleine. Ce jour-là, quand on fait la prière à l'intérieur, dans la cour elle-même, cette cour a le choukm de la mosquée. C'est pour ça que le plus juste, c'est que la cour de la mosquée, il est intérieur de vendre dans les cours de la mosquée, et il est interdit aussi de faire les toilettes. Les toilettes, on les met, quand on les construit, on laisse des barreaux ou un mur entre les toilettes, entre quoi? Entre la mosquée. On ne construit pas des toilettes devant la mosquée, et on ferme le tout avec un mur. Non. Les toilettes doivent être seules, séparées par un autre mur. C'est comme ça que disent les ulama. Pourquoi? Ils disent parce que la cour, elle a choukm le masjid, yani, elle suit le masjid. Mais les muhaqqiqoun, je sais pas comment on dit les muhaqqiqoun, les français, ils ont dit, même si la chose, des fois la chose suit, comme la cour suit la mosquée, mais ça ne veut pas dire qu'elle prend toutes les règles de la mosquée. Elle prend pas toutes les règles de la mosquée. La cour, elle suit la mosquée. C'est interdit de vendre dans la cour de la mosquée. On ne fait pas les toilettes aussi dans la cour. Mais elle n'a pas le choukm, toutes les règles de la mosquée. Ça veut dire quand tu es à l'intérieur quand tu es dans la cour, tu peux par exemple rire dans la mosquée. Il ne faut pas rire comme ça sans raison. Tu peux lever la voix dans la mosquée, non. Tu peux t'asseoir comme tu veux dans la mosquée. Il y a une façon de s'asseoir. Et comme ça. Quoique, elle suit la mosquée, mais elle n'a pas toutes ses règles. C'est pour ça que je crois que le plus juste, Allahu A'lam, c'est qu'on dise quand on arrive devant la porte de la mosquée, quand on arrive, on va rentrer à l'intérieur de la porte, dans la salle, je crois que c'est ça, c'est là-bas qu'on dit, d'après ce que j'ai compris, Allah subhanahu wa ta'ala A'lam. Allah subhanahu wa ta'ala. Si je lis quelque chose qui dit le contraire, je le dirai, Inch'Allah ta'ala. En ce qui concerne la deuxième question, pendant la prière obligatoire, on ne prend pas le Coran. Non, on ne prend pas le Coran. On prend le Coran dans la prière surérogatoire. Comme faisait Aïcha radiallahu ta'ala anha avec son serviteur, son valet, qui lui, il prenait le Coran, il lisait, et elle était derrière lui. Lui, il lisait avec le Coran, Et le hadith, il est dans le Bukhari. J'ai oublié seulement comment s'appelait son valet, il est très connu. J'ai oublié son prénom, Allah. El Mohim. C'est pas. Attends, il est très connu. Bon, j'ai oublié comment il s'appelait, je l'ai dit la fois passée. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, il a dit où est-ce qu'on fait salat? Où est-ce qu'on fait salat? Où est-ce qu'on fait salat? Yani, ne bougez pas trop dans la salat. Cheikh Al-Albani a dit, maintenant quand tu lis avec le Coran, tu es obligé de bouger. Tu dois tourner les pages, les retourner, poser le Coran, etc. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, même dans la Nafila, il a dit de préférence, on ne lit pas dans la Nafila. Mais nous on dit, il y a un hadith dans le Bukhari, que il lisait le Coran, et ça c'est la Nafila. La Nafila c'est pas comme l'obligatoire. Il y a beaucoup de choses qui sont permises dans la Nafila, qui ne sont pas permises dans l'obligatoire. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quelqu'un qui ne connaît pas le Coran, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui ne connaît pas le Coran, et qui ne connaît pas l'hamdoullah, il dit subhanallah, alhamdoullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdoullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, et comme ça. Et si le Coran est posé en hauteur, j'ai pas compris comment. Comment il est posé en hauteur, par exemple? Et si le Coran est posé en hauteur? Abou Ahmed, j'ai pas compris ta question. On peut lire sans le porter. Naam. Nada, c'est mieux encore. Yani, s'il est en face de toi, et tu lis seulement, tu lis, et ensuite, tu parles de la nafila ou là, tu parles de l'obligatoire, Abou Ahmed? Tu parles de quoi? De la nafila ou de l'obligatoire? Ah, obligatoire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelqu'un qui ne connaît pas le Coran, il dit, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Ça veut dire que si c'était permis, on lui aurait amené le Coran et il lit. Il lit comme ça devant lui. Moi, je parlais de la nafila. De la nafila, tu peux prendre le Coran et tu peux lire, inshallah ta'ala, naam. Et l'obligatoire, yani, l'obligatoire, je ne sais pas si tu peux lire comme ça de face, car tu es obligé ensuite quand tu tournes la page, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Et la troisième question, il a dit que quand on fait la prière où il y a les photos, on fait la prière où il y a les photos, en principe, on ne fait pas où il y a les photos. En principe, on ne fait pas où il y a les photos à cause des anges qui ne rentrent pas. Quand on est dans une maison où il y a des photos là, ou bien on les cache avec un rideau, ou bien on change de chambre, on va dans un autre endroit. Maintenant, si on n'a pas où faire la prière, sauf dans un endroit où il y a les photos. De façon à ce que on te dit choisir entre deux choses. Tu fais pas la prière du tout, ou tu l'as fait dans un endroit où il y a des photos. Tu l'as fait dans un endroit où il y a des photos, où tu ne la laisses pas passer. Comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, quelle est la raison? لأن حرمة الوقت مقدمة على حرمة المكان. Naam. La valeur du temps est beaucoup plus précieuse et importante que la valeur de l'endroit. Ici, tu as entre deux choses. Ou bien tu ne la fais pas, ou bien tu la fais dans un endroit qui n'est pas bien. Fais-la dans un endroit qui n'est pas bien et ne laisse pas ta prière passer. C'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La salata » yani, il a dit « Illa fil maqbara ou l'hammam » Il a dit que la salat est permise partout, « Jouait ardu masjidin wa tawran »« Illa fil maqbara ou l'hammam » Il a dit « Sauf le cimetière et le bain mort. » Dans le bain mort et le cimetière, on ne peut pas faire la salat. Cheikh l'Islam a dit, mais si quelqu'un rentre au bain mort, ensuite il trouve qu'il lui reste plus de temps, il reste par exemple 5 minutes, et c'est le maghreb, alors qu'il n'a pas fait le asr, il a dit qu'est-ce qu'il fait? Ou bien il laisse la prière passer, ou bien il l'a fait, même si c'est interdit dans le bain mort, mais il l'a fait. Il a dit, il l'a fait dans le bain mort, même si c'est interdit. Pourquoi? Parce que la valeur du temps est devancer, elle dévance la valeur de l'endroit. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, Abu Adam, tafadlal, Abu Bu'alam, c'est pas Abu Adam. Je ne sais pas, il y a le nombre qui grandit, à chaque fois je dis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La hawla wa la quwwata illa billah. Abu Bu'alam, tafadlal. Naam, Ibrahim Khaza, tu ris toi. Naam. C'est sur un hadith qui s'appuie les Ikhwan, qui dit qu'un homme avait fait de l'argent à un autre et qu'après avoir récolté la somme, il lui a dit, je ne te rembourse plus. je te donne un cadeau, le prophète ne m'a pas interdit de le prendre. Ils disent que les intérêts que la banque leur donne un cadeau pour avoir posé leur argent chez eux. Donc, s'ils décident de prendre l'argent, pour est-ce que je dois répondre à ces gens-là? Prêter de l'argent à un autre, et qu'après avoir récolté la somme qu'il lui a prêté, il lui a dit, je te rembourse plus, je te donne un cadeau. Non, la question du frère Abou Boualem, qui n'a jamais entendu parler de ma vie de ce hadith. Le hadith, où il est dit que je te rembourse pas, et je te donne un cadeau, je ne l'ai jamais entendu de ma vie ce hadith. Si quelqu'un le connaît, il me le dit. Non, je ne te rembourse pas, et tu prends de force un cadeau à la place de l'argent. J'ai jamais vu ça. En islam, celui-là, s'il était un peu intelligent, celui-là qui t'a dit comme ça, mon frère Abou Boualem, celui qui t'a dit comme ça, il aurait pu se baser sur un autre hadith. Quel est le hadith qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a emprunté un animal, je crois que c'était un mouton, un peu petit, ou bien un chameau un peu petit, et il lui a rendu à l'autre un chameau plus grand. De là, peut-être il va dire, voilà, il m'a donné quelque chose de petit, je lui ai rendu quelque chose de grand. Donc, c'est possible de donner, tu donnes un peu d'argent, on t'en rend beaucoup. Comme ça, s'il avait dit ça, je lui aurais donné la réponse, car ce hadith est vrai. Ce hadith est vrai. C'est pour ça qu'en islam, il faut savoir une chose, c'est pour ça en islam, si tu prêtes à quelqu'un de l'argent, ensuite, quand il te rend de l'argent, il te rend plus que tu lui as donné, ça c'est halal, ça ce n'est pas haram. Tu me dis, prête-moi, je suis en panne, prête-moi 100 €. Je te dis, voilà 100 €, tu me les rends, Inch'Allah, dans 6 mois. Ensuite, dans 6 mois, tu reviens, tu me dis, voilà les 100 € que tu m'as prêtés, et voilà 50 € cadeau de ma part. Ça c'est permis, ce n'est pas interdit. Naam. Qu'est-ce qui est interdit? C'est interdit quand je te donne 100 €, je te dis n'oublie pas que je t'ai prêté 100 €, mais tu dois me donner 110, 120, 130, tu dois me rendre 150. Là, je t'ai fait une condition. Mais si c'est toi qui veux me donner sans que je te dise moi et sans que je sache que tu vas me donner, avant de te prêter, sans que je sache que tu vas me donner, ça c'est permis en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, afdalukum, yani afdalukum qada'an fima ma'na. Il a dit, khiyarukum fil qada. Les meilleurs de vous, ce sont ceux qui, yani, quand ils rendent des dettes, ils rendent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, comme j'ai dit, une fois, il a prêté quelque chose, il a rendu quelque chose de plus grand. Et quand toi tu prêtes de quelqu'un, tu prêtes pas, il te prête un mouton qui coûte 1 million. Ensuite, tu lui rends un mouton plus grand qui coûte 1,5 million ou 2 millions. Comme en Algérie, ça coûte comme ça. Donc, c'est comme si tu as prêté 1 million, tu lui as rendu 2 millions. La même chose. L'animal qui est plus grand, ça veut dire que c'est de l'argent plus. Donc, ça en islam, c'est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est que ça soit une condition. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Salaf 93, tafadla, inshallah, on va terminer. Il est 2 h, mashallah. Aujourd'hui, c'est le dernier dars, inshallah, ta'ala. Ensuite, il y a entre vous et moi, il y a 2 mois, inshallah, ta'ala, de repos. Vous allez, inshallah, bien vous reposer. Inshallah, vous n'allez pas rentrer dans les salles de takfirien. Inshallah, quand je vais revenir, je vais vous trouver comme ça ou encore plus. Yani, plus, inshallah, ta'ala, avoir de la science plus. Salam alaykoum, rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais savoir s'il est possible de réciter une sourate dans la prière, mais pas entièrement, car elle est longue, et je voudrais savoir s'il est possible de réciter ce que je peux la raccourcir ou de la couper à n'importe quel moment. Je voudrais savoir quel est le jugement porté sur la poignée de main aux femmes. Barakallahu fikum. Naam, pour la sourate, tu peux la diviser en deux. Tu peux la diviser en trois si elle est très longue. Tu peux la diviser en quatre. Il est impossible que tu lises, par exemple, le Baqara dans une rak'a. Donc, une sourate, si elle est assez longue, assez, tu peux, inshallah ta'ala, la diviser au milieu. Tu la divises, tu t'arrêtes où il est permis de s'arrêter. Tu t'arrêtes pas en plein en plein milieu du verset. Tu t'arrêtes quand le verset se termine et son sens se termine. Quand le sens du verset se termine, tu peux, inch'Allah, t'arrêter et faire la rak'at. Naam. En ce qui concerne. Naam. Et si je ne connais pas la fin de la sourate? Je ne connais pas la fin de la sourate. J'ai pas compris comment on connaît pas la fin de la sourate. Tu connais pas la fin de la sourate? Naam, tu lis ce que tu connais. Tu lis ce que tu connais. En principe, je vais dire quelque chose. En principe, la sunna, quand quelqu'un lit une sourate, si elle est petite, elle est pas assez grande, comme Doha, comme Shamsiwa Doha, les petites sourates, en principe, il la termine. En principe, il la termine. Et en principe, quand il lit la deuxième sourate dans la deuxième raka'a, il lit celle qui va la suivre. Il saute pas, il lit celle qui va la suivre, mais ça c'est seulement une sunna. Des fois on connaît pas le Coran, on lit maintenant celle-là, ensuite on va loin et on lit une autre. Et si je connais 50 versets de sourate, kef. Et je connais pas la fin de la sourate. Naam, tu lis les 50 versets que tu connais. Naam, tu lis par exemple quelques versets. Tu lis par exemple les 10 premiers versets, comme si le Messie Dajjal allait venir. Naam, tu lis les 10 versets et tu fais raka. Dans la deuxième raka, tu lis les 10 autres, tu lis 15. Et comme ça, tu essayes de faire la première raka toujours un peu plus longue que la deuxième. Naam, c'est pas interdit. Ou là, tu lis les 50 par exemple dans la première raka et dans la deuxième raka, tu vas sauter à une autre sourate, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala. فقرأوا ما تيسر من القرآن سهيل مدينة تفضل نعم l'autre question, je l'ai oublié, بارك الله فيك. نعم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne donnait jamais sa main à une femme, ne prenait de main aux femmes. نعم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne donnait jamais sa main à une femme. Il disait لا أصافح النساء, il disait je ne donne pas ma main aux femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit que si quelqu'un se frappait avec l'aiguille avec laquelle on coud, mais la grande aiguille, il y a la petite, il y a la grande avec laquelle par exemple on tricote, imagine l'aiguille avec laquelle on tricote, si elle est par exemple en fer. Il y a des aiguilles qui sont grandes comme ça. Naam. Il a dit, si on te frappe avec une aiguille comme ça, dans la tête, environ 20 cm, on te frappe dans la tête, on te fait couler du sang, c'est mieux pour toi que tu touches ta main, avec ta main, une femme qui n'est pas, ta femme, ou là, ta soeur, ou là, ta mère, etc. Donc, il faut, Inch'Allah Ta'ala, au maximum éviter de serrer la main. Et il faut apprendre aux gens, c'est tout. On apprend aux gens que ceci est haram, que ceci ça se fait pas, etc. Inch'Allah Ta'ala, ils vont apprendre le din. À chaque fois que tu apprends aux gens, Inch'Allah Ta'ala, ils vont apprendre le din, Inch'Allah Ta'ala. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, hayyakallah wa biyakoum. Je voulais savoir, un frère qui a la vingtaine, il a eu plusieurs demandes de sœurs. Moi, je croyais que c'est le contraire. Je croyais que c'est la sœur qui avait les demandes. Maintenant, c'est lui qui a des demandes. Masha'Allah alayhada. Naam. Ce frère refuse de se marier, car selon lui, il est une personne de nature solitaire. Il ne se voit pas marier toute sa vie avec une femme. De plus, quelqu'un de nerveux, il préfère passer sa vie à étudier. Et il sait qu'avec une femme, il sera pas à son aise. Sera-t-il dans le péché pour ce soir? Barakallahu fikum. Naam. Moi, j'avais dit que, Inch'Allah Ta'ala, quand je reviendrai de mon voyage, Inch'Allah, Subhanahu wa Jal, la hawla wa la quwwata illa billah, j'essayerai de faire quelque chose en ce sens. Quelque chose pour aider, Inch'Allah Ta'ala, nos sœurs qui ne se marient pas. Naam. Nos sœurs qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne parlent pas dans l'internet, qui ne parlent pas avec les hommes, etc. Il y a beaucoup de sœurs, Inch'Allah, qui sont pieuses, etc. et elles restent comme ça, personne ne les connaît, elles ne se marient pas. Inch'Allah ta'ala, quand je reviendrai, Inch'Allah ta'ala, j'essaierai de faire quelque chose en ce sens pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous donne un ajr. Et aussi pour que nos frères aussi se marient, Inch'Allah ta'ala, avec les sœurs. Je disais, le mariage, je vous ai dit une fois que il tourne avec les cinq jugements. Des fois il est obligé, des fois il est haram, des fois il est makruh, des fois il est mandoub, et des fois il est moubah. Donc cette personne-là, qui a posé cette question, si elle sait que il ne lui faut pas une femme, elle sait qu'elle ne peut pas vivre avec une femme, cette personne sait qu'elle est nerveuse, etc., c'est pas obligé pour elle de se marier. Surtout, si quelqu'un sait que s'il se marie, il ne va pas donner les droits à sa femme. Celui-là, il vaut mieux qu'il ne se marie pas. S'il sait qu'il ne va pas lui donner ses droits, donc elle, pourquoi elle s'est mariée avec lui? Il lui a fait perdre sa vie. Donc celui-là, il ne faut pas, il vaut qu'il soit un franc, il dit, voilà, moi, les femmes, ça ne m'intéresse pas, etc. Même s'il se marie, je ne donne pas les droits à la femme, etc. Donc celui-là, s'il veut étudier ou là, il veut faire comme a fait Ibn Taymiyyah, il est libre. En principe, on doit chercher à se marier. C'est ça, la base, la règle générale. La règle générale, on doit se marier. Mais maintenant, il y a des cas, s'il y a des cas comme ça, des exceptions, disons que celui-là, Inch'Allah Ta'ala, s'il veut faire l'exception, qu'il la fasse. Naam. Maintenant, il y a une autre question. Fika Barakallah. Abu Hassan 95, Inch'Allah Ta'ala. On demande plus de gens. Abu Hassan, tafadla, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, il reste Mounir, Ibrahim 13, Ibrahim, Safiya, Salafiya, Afon, j'ai dit Safiya. Salafiya et Abu Shayma 40. Inch'Allah Ta'ala, ce seront les derniers, Inch'Allah. Barakallahu fikum, ne levez plus demain. Déjà, moi, je suis fatigué. Barakallahu fikum. Abu Hassan, je ne sais pas si tu es avec nous, Inch'Allah. Sinon, on va donner à Mounir 494. Mounir, tafadval, Inch'Allah Ta'ala. Abu Hassan, tafadval. Je t'attends. Naam, tafadval. Ma'alish, Mounir ou l'Abu Hassan, ma'alish. Celui qui pose le premier, ma'alish, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Je suis là. Inch'Allah, tu es là, tafadval. Toi, tu es là, mais ta question n'est pas là. Toi, tu es là, Inch'Allah, mais il n'y a pas la question. Nous, on veut ta question. Ah, t'as pas de là, alhamdoulilah. Maintenant, j'ai compris. T'as pas de balle. En fait, moi, je suis étudiant. Je vais étudier à plus de 400 km de chez moi pendant 6 mois là-bas. Est-ce que je peux faire le taqsid des prières? Et si j'ai le temps, est-ce que je peux, en fait, le soir ou le week-end, est-ce que je peux prier normalement, sans le taqsid? Barakallahu fikoum. Mounir 494. Jazakallahu khairan, si tu peux répéter, barakallahu fikoum. Mounir 494. Jazakallahu frère, j'ai pas bien compris, répète, barakallahu fikoum. Parce que le son est un peu grave, j'ai pas bien compris. Tfadlal, je t'écoute, Inch'Allah Ta'ala, répète. Salam alaikum. Tu vois? C'est bon? Salam alaikum. Vous m'entendez? En fait, voilà. Je vais partir étudier à plus de 400 km de chez moi. M'est-il permis de faire le taqsir des prières? Et si j'ai le temps, par exemple, un week-end ou le soir, est-ce que je peux prier normalement? Barakallahu fikoum. Je te vois, Naam. C'était la question de... Naam, c'était pas de Mounir, sah. Moi, je me suis trompé. C'est Abu Hassan. Naam, Abu Hassan, il a dit, je vais étudier à 400 km de moi, loin de chez moi. Est-ce que je peux faire le taqsir? Naam. Tu peux faire la salat taqsir jusqu'à ce que tu reviennes chez toi. Et le week-end, si tu es toujours là-bas à 400 km loin de chez toi, même le week-end tu fais taqsir. Pendant 6 mois ou là, 1 année ou là, 2 années. Non. Pendant 6 mois, 1 année, 10 ans, 20 ans, tant que tu n'es pas chez toi, tant que tu n'es pas chez toi, tu peux faire, Inch'Allah ta'ala, taqsir. Non. C'est comme ça qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, ala rahmatullah. Il a dit, tu peux faire taqsir, tu fais taqsir, jusqu'à ce que tu reviennes chez toi. C'est comme ça qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Taymiyyah. Si tu pries à la mosquée, si je veux prier à la mosquée, tu es obligé de ne pas faire le taqsir. Non. À chaque fois que tu vas à la mosquée, et je te conseille d'aller à la mosquée, c'est mieux, à chaque fois que tu vas à la mosquée, tu pries avec eux. Non. Tu fais exactement comme eux. Quand tu n'es pas à la mosquée, si tu veux faire le taqsir, tu le fais, Inch'Allah ta'ala, il est valable. Maintenant, si tu ne veux pas faire le taqsir, tu veux pas le faire, tu peux ne pas le faire aussi. Le vendredi n'est pas obligatoire. Si tu entends la prière du vendredi, tu entends l'appel, c'est obligatoire pour toi. Naam, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Il a dit, il n'y a aucun musulman qui peut entendre l'appel à la prière et il dit, je ne vais pas, je suis voyageur. Il a dit, tout le monde qui entend la prière du vendredi doit partir la faire. Sauf le malade et le fou et celui qui n'est pas pubère, etc. Abu Hassan, si tu entends l'appel à la prière, ça veut dire la mosquée n'est pas loin de toi, tu es obligé d'aller faire la prière du vendredi, Inch'Allah. Si elle est loin maintenant, il y a des kilomètres entre toi et la mosquée, ça tu fais salat al-dhuhr à la maison, Inch'Allah ta'ala. Donc, si tu veux pendant les 6 mois raccourcir la prière, tu peux le faire, Inch'Allah ta'ala. Si tu veux pas le faire, si tu veux pas le faire, tu veux faire normal, tu es libre, Inch'Allah ta'ala. Fika barakallah. Maintenant, c'est Mounir. Mounir n'a pas encore posé sa question. Mais en France, il n'y a pas d'adhan. Naam. Lui, il calcule. Il dit, est-ce que s'il y avait l'adhan de la mosquée de là-bas où je vais, est-ce que s'il y avait l'adhan, je l'aurais entendu ou pas? S'il dit, je l'aurais entendu, il doit partir. Mounir, Inch'Allah ta'ala, j'attends ta question. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un frère veut se marier avec une sœur récemment convertie. La famille de la sœur est islamophobe et ne veulent pas de ce mariage. Est-il autorisé de trouver un tuteur en dehors de la famille de la sœur? Je voulais savoir, car le mois de Ramadan approche, Inch'Allah, si pendant la salat Tarawih, je pourrais suivre avec le Coran ou non. Je croyais que c'était la même question. Si la famille de la sœur, s'ils sont des koufars, est-ce qu'ils sont des koufars? Réponds-moi, Barakallahu fik. Islamophobe, ça veut dire contre l'islam. Est-ce que ce sont des koufars? Oui. Bien sûr, s'ils sont des koufars, elle n'a aucun tuteur de la famille. Aucun kafir ne peut être tuteur. Celui-là. Bien sûr. Donc, puisqu'elle s'est convertie, là, ce sont plus ses tuteurs. Donc celle-là, elle va chercher un tuteur qui va la marier. Et c'est pas comme font beaucoup de gens, yani ils vont directement, elle va chercher un frère, elle va lui dire tu es mon tuteur. Elle va commencer comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sultanu waliyu man la waliya la. Elle doit commencer par yani l'officiel. L'officiel, c'est par exemple un centre islamique ou un centre qui c'est lui qui s'occupe des émigrés, etc. C'est là-bas que elle va chercher le tuteur. Si elle trouve pas, elle va au l'imam. Car le imam, s'il est par la doula, il suit l'État, donc celui-là, il est officiel. Si elle trouve pas, troisième des cas, elle trouve pas, elle cherche un frère. Elle cherche un frère qui la marie, bi-idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Naam. La salat tarawih, je peux suivre avec le Coran ou non? La salat tarawih, si tu la fais à la maison et tu lis avec le Coran, qu'on faisait d'Okwan, voilà maintenant, je me suis rappelé du valet de Aïcha, radiallahu ta'ala, il s'appelait d'Okwan. D'Okwan lisait le Coran et elle était derrière. Si tu fais la tarawih à la maison et que tu prends le Coran et tu lis par exemple, et ta famille derrière toi, tu peux prendre le Coran. Si tu es derrière un imam, tu prends pas le Coran. Car Allah Azza wa Jalla a dit, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. Tu dois écouter à la lecture de l'imam et non pas lire le Coran. والله سبحانه وتعالى أعلم. إبراهيم تفضل. إن شاء الله. إن غسل مطوى. تفضل إبراهيم. فيك بارك الله حياك الله منير 494. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصوت. طيب j'ai une annonce à faire et une question. Barakallah fik. Je peux?